Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. La chronique, c'est un fait, c'est celle des choses véridiques, véritables et vérifiables. On s'enseigne des choses, on apprend, c'est de l'information pure. François-Olivier Marchand. Pure. Pure à 100%. Pure à 100%. Oh oui. OK, vas-y. Oui. Avec de l'huile de canola. Sans grattance. Donc, commençons avec des affaires de température, François. Okay. Tu savais peut-être que les gens peuvent être allergiques aux températures froides. Hein? Allergique? Non. Non, non. Sinon, je ne sais pas. Je t'en parle alors parce que moi non plus, j'étais pas au courant. Environ 30% des gens qui ont des je commence avec le premier mot que je trouve. J'ai de la misère avec. Des hives. Comment on appelle ça? De l'urticaire. Voilà. Voilà. Donc, les gens qui font de l'urticaire de façon chronique, 30% de ces gens-là ont un stimuli physique. Par exemple, la température, la lumière du soleil, l'eau ou des choses comme ça. Ceux qui sont affectés par le froid, ça peut être bon la température dehors, ça peut être nager dans l'eau froide, ça peut être même manger ou boire des choses froides et ça va causer de l'urticaire. Ces gens-là se grattent, ça n'arrête pas de piquer partout. Et cette condition-là peut menacer la vie des gens dans certains cas, surtout si c'est quand quelqu'un nage dans de l'eau froide, ça pourrait faire mourir la personne. Je ne sais pas du tout. Moi non plus. Intéressant. Ouais. Une autre chose par rapport au froid, tiens, peut-être. Savais-tu que la reine Elisabeth I, dans le temps, ne prenait son bain qu'une seule fois par mois? C'est vrai. Mais c'était pas quelque chose d'inhabituel à ce moment-là. Elle disait même qu'elle prenait son bain une fois par mois, qu'elle ait à le faire ou non. OK? Qu'elle ait à le faire ou non. Que ce soit nécessaire ou non. Parce que dans ce temps-là, au 16e siècle en Angleterre, c'était beaucoup plus fréquent de ne pas prendre son bain souvent. La grande majorité des gens là, de la population normale se lavaient très, très rarement à cause de... qu'ils avaient peur d'attraper la plague, la Black Plague, hein, dans des bains publics ou encore à cause qu'il manquait de bois pour faire réchauffer l'eau l'Europe à ce moment-là. Okay. Donc, c'est sûr que les gens prenaient leur bain beaucoup moins souvent qu'une fois par mois. La reine, c'était un luxe de le prendre une fois par mois. Une fois par mois. Que ce soit nécessaire ou pas, elle le prenait une fois par mois. Ça devait être plaisant, par exemple. Tu vois, je suis pas sûr de ça. Pas tout à fait certain de ça. Moi, une journée sans bain, je me sens vraiment pas propre. Douche, mais bon, que voulez-vous, hein? Toujours dans le sujet du froid et de l'eau, savais-tu que boire un verre d'eau glacée brûle des calories? Un verre d'eau glacée brûle De l'eau glacée, ça brûle des calories. Une calorie, bon, OK. Calorie avec un petit C, d'accord? C'est l'énergie qui est requise pour augmenter la température d'une gramme d'eau d'un degré Celsius. Donc, ce qu'on appelle communément une calorie, ce qu'il y a dans la nourriture, devrait être appelé avec un C majuscule. Parce que techniquement, ça veut dire 1000 calories avec un petit C. Donc, en fond, 1000 calories avec un petit C, ça donne une calorie avec un grand C. Tu comprends jusque-là? OK. Bon. Ça, c'est important de faire la différence, par contre. Hein? Exactement, exactement. Donc, quand tu manges un Big Mac chez McDonald's, mettons, tu consommes 580 calories avec un grand C, ce qui est, dans le fond, 580 000 calories avec un petit C. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Donc, si tu bois un verre d'eau glacée de 16 onces liquide, c'est-à-dire 473,18 grammes, ton corps doit... là, je lis l'article, je ne comprends rien de ce que je raconte. Mais ton corps doit augmenter la température de l'eau à partir de 0 Celsius jusqu'à la température de votre corps, ce qui est environ de 37 degrés Celsius. Donc, pour le faire, votre corps devra brûler 17 508 petites calories, là, les petits C, ou encore 17,5 grammes calories avec un C majuscule. Ce qui est assez insignifiant, ça change pas grand-chose, mais quand même, ce qu'on dit, c'est qu'un verre d'eau froide, ça te fait brûler des calories. C'est presque rien, mais quand même, c'est le cas. Pour perdre du poids, évidemment, ça ne marchera pas du tout. On recommande non, de l'exercice. C'est ce qu'ils disent. Moi, je ne le crois pas, mais c'est ce qu'ils disent. Non, l'exercice, c'est pour les autres, ça. Non. Quelques faits rapides maintenant. Savais-tu que les vestes pare-balles, comment t'appelles ça, dans les voitures, sur les vitres? Les essuie-glaces, voilà. C'est ça, les windscreen wipers. et les pointeurs laser ont tous été inventés par des femmes. Ah ouais? Eh bien... Ben, les vis par balle. Eh ben, oui. Impressionnant. C'est ce que les internets disent. Savais-tu que le mot matador, tu connais le mot matador? Oui. C'est un mot en espagnol qui veut dire tueur. OK. Eh ben, Super. En août 1965, El Cordobés, qui était le bullfighter le mieux payé de toute l'histoire. Bullfighter, c'est ceux qui se battent contre des taureaux. Des taureaux, exactement. Comme le toréador. Comme un genre, c'est ça. Il a tué 64 taureaux en un seul mois. En août 1965. C'était le matador. Mais donc, si je me trompe pas, là, tu le corrigeras. Il plante une lance vis-à-vis le cœur, et c'est comme ça qu'il est tué. Ah ouais. Je corrigerais si je savais, mais non, je sais pas. Oh, ouais, c'est comme ça. Il l'évite, puis pouf, quand il passe à côté. Ah ouais. Ouais. C'est violent, ça. Ouais. Ça a-tu une utilité? Puis 64 par mois, c'est beaucoup. Pas 64 par mois, 64 en un mois. En un mois. C'est ça. On sait pas s'il faisait ça chaque mois. S'il battait son propre record. Ouais, c'est ça. Ça, c'est son record. C'est pas Dacon, ça, là. Pas loin, hein, 64. Pas loin. Le petit chien qui arrive. Bon. Selon le Center for Injury Research and Policy, d'accord? C'est le centre pour la recherche sur les blessures et bon, etc. Pelleter de la neige cause 100 morts et 11 500 visites à la salle d'urgence par année aux États-Unis seulement. On parle de crise cardiaque? J'ai aucune idée, mais j'imagine que ça doit être ça. Oui, pelleter de la neige, c'est forçant quand même l'hiver dans certains États des États-Unis. On s'entend que c'est les États-Unis, pas le Canada. Là. Fait qu'imagine qu'au Canada, peut-être que c'est plus que ça. On a de plus d'enfants, par exemple, parce qu'on en a plus. Ah, bon point, Caroline, que tu l'as. Tu connais Vanna White? Dans Roue de Fortune, là, l'émission, le quiz américain. Ouais. Roue de Fortune. Vanna White est dans le livre des records Guinness. Devine pourquoi? Je sais pas du tout. Ouais, ben c'est qu'elle est la plus fréquente applaudisseuse de la télé. Elle applaudit parce que les gens ont la bonne lettre sur le tableau de Roue de Fortune. OK, ça c'est la madame là, qui fait assemblant parce que des fois, ils se tournent seul. Exactement, ben, c'est parce qu'avant, c'était vraiment tourné. C'était vraiment des lettres tournées sur des cubes. Ouais. Maintenant, c'est des écrans LCD. Ouais. Elle appuie sur un bouton. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. C'est vraiment un rôle très important. Elle est là pour faire un bon visuel. Et pour applaudir, apparemment. Et pour applaudir, ben oui. C'est important. Ben oui. Tu connais le G-spot, le point G? Ouais. Ça a été nommé, ça, d'après Graffenberg, qui est un docteur allemand qui a étudié la physiologie sexuelle féminine. Quand je touche ici, C'est le point, donc, Graffenberg. Graffenberg. Tu l'appelleras comme ça, dorénavant, le point Graffenberg. Je vais continuer avec quelques petits faits un petit peu plus compliqués. Celui-là, je vais te laisser choisir entre... Moi, je veux les deux. Si tu me donnes le choix, je veux les deux. OK, ben, je vais continuer d'abord. Mais continue. Sais-tu que les arbres ont une hauteur maximale de 130 mètres ou 426,5 pieds? Ça, il n'y a pas d'arbre qui va plus haut que ça? Impossible, nous dit-on. Même les redwoods, qui sont les plus grands arbres sur Terre, ne peuvent pas passer une plus haute hauteur que ça. C'est à cause des limites dont on parle ici pour transporter l'eau jusqu'à cette hauteur-là dans l'arbre. Donc, plus c'est haut, moins c'est possible de créer de la photosynthèse. Des affaires que j'ai appris en biologie que j'ai oubliées très rapidement après ça. Les arbres ne peuvent se rendre à ces hauteurs dramatiques dans certains endroits où les stress sont légers ou mineurs, où il y a beaucoup de ressources autour et où la compétition pour la lumière est pas trop grande, donc dans le sens où tu as de la place pour avoir de la lumière, que tu n'es pas caché par autre chose. Je ne sais pas trop comment ça pourrait J'imagine être caché, les tours, peut-être les bâtisses. Et où la température le permet. Oui, exactement. Donc, il y a plein de facteurs bien importants pour ça, mais les arbres ne vont pas plus haut que ça, apparemment. Lorsqu'on ajuste avec l'inflation, le film Gone with the Wind a fait plus d'argent de façon domestique que Avatar et The Dark Knight mis ensemble. De façon domestique, on parle de... Aux États-Unis. OK. Domestique, j'imagine que c'est les États-Unis dans ce cas-ci. Bref, si on parle de Gone with the Wind, en 1939, ils ont fait 139 millions de dollars, ce qui a pas l'air d'être grand-chose si on les compare avec des films modernes comme Avatar avec 760 millions. Mais dans le temps... Dans le temps, c'est ça. The Dark Knight a fait 533 millions. Donc, si on considère l'inflation, comme tu dis, le prix du billet aujourd'hui coûte 32 fois plus cher... que les billets en 1939. Donc, si on ajuste tout ça, Gone with the Wind arriverait à 1,6 milliard de dollars, alors qu'Avatar et The Dark Knight ont réussi seulement à faire 779 millions et 595 millions environ. En fait, Avatar et Dark Knight sont très, très loin sur la liste si on réajuste tous les prix. On peut aller voir la liste sur l'article sur assemblagerequis.com. Disons juste que Avatar a vendu moins de billets que Star Wars, La Mélodie du Bonheur de Sound of Music et même Les 101 Dalmatiens. Oh, ouais. Étonnamment, Les 101 Dalmatiens. OK, là, on va terminer avec celui-là parce que je le trouve très, très, très intéressant. C'est le Las Vegas Strip. Tu sais qu'à Las Vegas, il y a plein de trucs avec des lumières partout. Là, ouais. Ça brille de partout. Ouais. C'est l'endroit le plus éclairé sur Terre lorsqu'on regarde de l'espace. L'espace. Évidemment. Des photographies prises de la Terre par l'International Space Station révèlent que les villes les plus... les villes majeures du monde, dans le fond, sont aussi les plus éclairées. Mais le pire, c'est Las Vegas. Par contre, ce qui est vraiment surprenant, nous dit-on, c'est... qu'est-ce que ça dit ici? Oui, qu'il y a beaucoup de lumières qui sont pointées vers le haut. Donc, dans le fond, on ne peut pas les voir de la Terre. Donc, dans le fond, c'est des lumières qu'on ne peut voir que de l'espace. Donc, elles servent absolument à rien et gaspillent l'électricité. Ah ça, il y en a plein. Il y en a plein, c'est incroyable. L'International Dark Sky Association parle de ce phénomène comme étant de la pollution lumineuse, light pollution. Et non seulement est-ce que trop de lumière qui sortent des villes majeures, ça rend ça difficile de voir le ciel de la Terre. Donc quand t'es sur Terre, t'as de la misère à voir le ciel dans ces endroits-là. Mais aussi la lumière contribue à la vraie pollution. Dans le vrai monde, pas juste de la pollution lumineuse. Ils estiment qu'aux États-Unis seulement, plusieurs milliards de dollars en coûts d'énergie sont gaspillés et un autre 38 millions de tonnes de CO2 sont générées à chaque année pour produire de la lumière que les gens ne peuvent même pas voir de toute façon. Donc, vraie pollution et pollution lumineuse ensemble, c'est un beau gâchis tout ça. C'est un beau gâchis. Voilà pour la collecte, c'est un fait, François. Merci Mathieu. Ça me fait plaisir. Fort intéressant. Ouais. On apprend des choses. D'accord. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. C'est un numéro de dressage de poissons rouges qui fait scandale. Donc, qui a dit que les poissons rouges n'avaient aucune mémoire? Car c'est bien à cela que fait appel Fu Yandong, magicien, tout comme son père et son grand-père. Le jeune homme suscite actuellement des réactions extrêmes en Chine, alors qu'il s'est en effet fait connaître dans le monde entier avec un numéro de dressage de poissons rouges. Et il choque aujourd'hui les défenseurs des animaux, ce n'est pas très surprenant. La pression est telle que le magicien sur la chaîne de CCTV a même annulé son apparition lors d'une soirée de divertissement consacrée à la nouvelle année lunaire. Sur Internet, Fu Yandong est largement décrié. Certains l'accusent d'utiliser la torture pour obliger les poissons à effectuer des mouvements, tandis que d'autres soupçonnent l'utilisation d'électricité. Il faut dire que le poisson rouge est sacré en Chine, synonyme de richesse et de prospérité. Sur la toile, les internautes les plus farfelus avancent même que l'idée des poissons rouges morts, dont le corps est animé de façon artificielle, peut faire ce numéro. Et puis, tout ce battage médiatique fait réagir, bien sûr, le magicien qui refuse de dévoiler son truc, assurant simplement que ses poissons vivent de façon très heureuse. Seulement 53 organisations non gouvernementales ont envoyé une lettre ouverte à l'ensemble des chaînes de télévision afin qu'ils refusent de diffuser le numéro en question. Fu Yandong, en se fondant sur la tradition du secret dans le monde de la magie, refuse de révéler les dessous de son tour. Par conséquent, le public ignore toujours si la sécurité des poissons est assurée. Et puis, je vous invite vous-même à vous faire votre propre idée en vous rendant sur la page Facebook du Dîner de cons. Et puis, ça allait être facile, c'est le premier vidéo en haut et c'est le tour de magie avec des poissons. Allez voir, ça vaut la peine. Et puis, sinon, on continue. Cela, c'est vraiment innocent. J'en parlerai pas très, très longtemps parce que c'est tellement ridicule. C'est un autre clown qui découvre le visage de Jésus-Christ imprimé quelque part. Des fois, c'est dans le ciel. Des fois, c'est dans une toast, dans un grilled cheese, dans une tache de rouille sur votre voiture. Et bien là, c'est sur la rocking chair. Visiblement, Jésus-Christ aime apparaître là où on ne l'attend pas. Après avoir été vu sur tout, morceau de pain, fer à repasser, etc., eh bien, l'icône du christianisme serait apparue sur une rocking chair. En tout cas, c'est ce qu'affirme Lou Balducci, qui a envoyé une photo au NBC Los Angeles, où on voit une forme ressemblant un peu au visage du Christ. Mais il y a beaucoup plus de détails, là, mais on va passer ça assez rapidement, car c'est complètement inintéressant, des gens aussi loufoques. À Singapour, un gouvernement veut aider les célibataires à se marier. Donc, selon le journal Local, local. Le gouvernement de Singapour voudrait aider les jeunes hommes célibataires à trouver une femme pour se marier et permettre ainsi d'augmenter le taux de natalité du pays. Pour cela, Viviane Balan-Krishnan, le ministre du Développement de la Communauté, de la Jeunesse et des Sports, a argué dans le Straight Time que les gens qui étaient mariés faisaient plus de bébés que les célibataires. C'est plus facile à deux, hein? Des discussions doivent donc avoir lieu au Parlement la semaine prochaine, même si le ministre n'a pas encore donné les détails de son projet. Il dit, et je cite, « Nous savons que la plupart des personnes veulent se marier et nous avons besoin de les aider pour qu'elles trouvent le bon ou la bonne partenaire. En découvrant les besoins d'autres personnes, ces gens pourront s'installer plus tôt et fonder une famille », a déclaré bien sûr le ministre. Le taux de fertilité des Singapouriennes ne dépasse pas les 1,16 enfants par femme quand il faut au moins un taux de 2 pour renouveler la population. Balakrishnan a précisé que les couples mariés avaient en général 2 enfants, ce qui est sain selon ses propres termes. La prévision budgétaire, donc, ne laissait toutefois pas beaucoup de place à la promotion de la fertilité des femmes dans la cité-État. En effet, des études ont démontré que la crise financière de 2008 avait été très néfaste pour le taux de naissance à Singapour. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables en ma compagnie. Moi, Mathieu Plante, ici présent. Hein? Salut. Et uniquement toi. Uniquement moi. Non, parce que toi, tu réagis. Moi, je réagis des fois positivement, des fois négativement. Des fois, vois-tu, je réagis même pas. C'est comme si t'étais même pas là, finalement, par moment. Hein? C'est ça, exactement. Mais t'es notre homme sur le terrain quand même. Parlons d'une différence d'âge dans un couple. Qu'est-ce que tu penses qui est la plus grande distance entre deux personnes dans un couple, officiellement? Le record, là. Quarantaine? 40 ans, non, plus haut. Plus haut? 50? Non, 83. Hein? En novembre 2006, un journal de Malaisie, le Straits Times, a parlé d'un homme de 105 ans, Sudhar Marteau, qui avait marié une fille de 22 ans, Ellie Mariulianti Ramat, en septembre de cette année-là. À ce moment-là, Marteau était toujours marié à sa femme de 69 ans. Par contre, la femme a accueilli Ellie dans leur mariage parce qu'elle était prise au lit, était malade, et elle appréciait le soin d'Ellie. Hein? Et ben, évidemment pour son mari aussi, tu sais, elle voulait que le bonheur de son mari. Et c'est bizarre. Et c'est bizarre, tu dis ça? C'est bizarre. 83 ans. Ben 83 bon. Ans. Quel âge qu'il avait lui? 105 ans. 105 ans? Et elle 22 ans. Et... Hein? Petite jeune. En même temps, elle est pas si jeune que ça. Il aurait pu y prendre, tu sais. Je veux dire, il y a des hommes qui sont vieux, ils vont très jeunes, tu sais, des fois. Mais c'est pas parce qu'il y a 105 ans que ses goûts sont différents, tu sais. C'est quand même surprenant qu'elle soit majeure, tu sais. C'est ça. Tu te rappelles dans le film de Dark Knight, tu sais, le film de Batman, là? Oui. Dark Knight, comment qu'il l'appelle en français, là? Chevalier noir. Ouais. Peu importe. Bref, le Joker, Heath Ledger, il fait un mouvement de langue assez particulier dans ce film-là, je sais pas si tu te rappelles. Grimace. Ça fait très longtemps. Ben, deux ans peut-être, non? Pas si longtemps que ça non plus. Ah ben... Dark Knight, c'est le plus... Ben, c'est le plus récent. Celui avec Heath Ledger, finalement. OK, ben, je l'ai pas vu. D'accord, tu l'as pas vu? Non. Bon. Bref, pour ceux qui l'ont vu, son petit mouvement de langue, là, pour former les cicatrices du vilain dans le film. Donc, Ledger devait porter des prothèses sur ses joues jusqu'à sa bouche. Et comme ça arrive souvent avec des additions artificielles au corps, ça a créé une mauvaise habitude, si on veut. Il touchait le matériau avec sa langue. Et Ledger, c'est ce qui arrive des fois quand tu fais ajouter des prothèses comme ça. Ça agace, fait qu'à un moment donné, tu fais ça. Bref, quelqu'un sur le plateau, peut-être même Heath lui-même, a décidé que c'était drôle de faire cette grimace-là, fait qu'ils ont incorporé ça dans le rôle et ça a ajouté une excentricité au personnage du Joker. On parle aussi, pour l'apparence du Joker, que Ledger lui-même aurait trouvé le design du maquillage. C'est lui-même qui se maquillait avec des maquillages de pharmacie, genre. Puis après ça, quand ça a été accepté par l'équipe du film, ben les maquilleurs ont copié le look que Heath Ledger avait lui-même dessiné. Ah, oh, intéressant ça, ouais. Très intéressant. Tu connais McDonald's? Chaîne de restaurants. Oui. On a-tu ici? Il faudrait que je check. McDonald's a un article spécial ou particulier dans chaque pays du monde. Même qu'au Portugal, tu peux acheter de la soupe chez McDonald's. Aha! D'autres exemples, en Inde, où la population, une majorité de la population ne mange pas de bœuf, le restaurant offre le chicken mahaha. Mac, donc c'est une affaire au poulet là. Et des potato patty, McAloo Tiki Burger, c'est un burger avec une patate grillée dedans. Ben oui. Ça veut pas dire par contre que McDonald's remplace les choses traditionnelles dans les autres pays, parce que là, bon, on parle qu'ils mangent pas de bœuf en Inde, mais dans d'autres pays, ils gardent les articles. C'est juste qu'il y a tant un article particulier au menu local. Ils essaient de rendre ça un petit peu plus localisé chez McDonald's. Parlons un petit peu du Portugal, où ils ont la caldo verde soupe, comme on disait, une soupe. Il y a la quiche de Quelho au Brésil, une quiche. Une quiche. Et red bean pie comme dessert à Hong Kong, donc un dessert composé de fèves rouges. Apparemment, c'est très populaire dans les desserts là-bas. Ah. Puis nous autres ici, ça serait quoi, la poutine? Ouais, j'imagine la poutine, ouais. Probablement ça. Ben, j'avais vu quelque chose sur... c'était quel? En France, eux, ils ont des petits pains au ciabatta. Okay. Sur leur menu, encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ou en Italie, ils utilisent du fromage local pour faire leur Parmigiano Reggiano Burger. Oh. Un burger au fromage local. Donc voilà, c'est bien de voir qu'ils adaptent les menus à chaque pays. Et étonnant de voir que c'est pas toujours Mac quelque chose. Hein? Ça a pu être le Mac soupe, là, le Mac fromage, là, puis le Mac poulet. Il y a déjà un McPoulet. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous pouvez voir la liste de 40 menus de McDonald's sur assemblagerequis.com. Il y a un lien vers l'article. La trompe d'un éléphant contient 40 000 muscles. Savais-tu ça? Tabarouette, non. 40 000 muscles. Et c'est plus que n'importe quel humain a dans son corps au complet. La trompe peut servir de lèvres supérieures et de nez. Hein? Ces organes sont tellement utiles qu'ils peuvent faire des tâches très très précises comme ramasser une paille par terre, mais ils sont aussi très très fortes. Ils peuvent déraciner un arbre complet, peut-être pas le plus gros arbre du monde, mais ouais. Un arbre. Un éléphant a même au bout de sa trompe un ou deux doigts, si on veut, hein, genre qu'ils peuvent comme contrôler le bout de leur trompe. Les éléphants africains ont deux de ces doigts-là au bout, mais les éléphants asiatiques en ont qu'un seul. Hein? Les éléphants peuvent aspirer de l'eau avec leur trompe et puis ensuite reverser cette eau-là dans leur bouche pour la boire. Ah ouais, ils aspirent comme une paille. Et voilà, ça ouais, c'est vraiment. Oui. On dit qu'ils ne naissent pas avec ces talents-là non plus. Les parents doivent enseigner ça à leur bébé éléphant. Ce n'est pas inné. Inéléphant. Inéléphant, c'est pas inéléphant. Inéléphant. Continuons avec la chronique, c'est un fait. Une fille du Myanmar de 16 mois qui pourrait briser le record pour l'enfant avec le plus de doigts et de pieds au monde. Lee Yati Min de Yangon au Myanmar est née avec 12 doigts et 14 orteils, une condition qu'on appelle la polydactylisme. C'est quelque chose de très très rare, mais c'est encore plus rare qu'une personne ait des doigts ou des... on va appeler ça doigts, ça englobe les orteils, sur chacun de ses membres. Donc, mains et pieds, là, comme lit ici. Le record présentement chez Guinness est tenu par deux personnes en Inde qui ont chacune 12 doigts et 13 orteils. En tout. Donc là, ça bat pas le 12 et 14 de notre petite Lee Yati Min. La famille de Lee parle présentement à Guinness pour savoir s'ils peuvent réclamer le record. Même si Lee ne réussit pas à avoir le record, elle va vivre une vie heureuse, nous dit-on, parce que d'habitude, les parents d'enfants polydactyles font faire une chirurgie à leur enfant, mais la mère de Lee ne prévoit pas faire enlever les doigts additionnels. Oh. Eh bien, c'est super ça. Tant mieux. Assumons-nous dans la vie. Oui, tout à fait. Pourquoi l'on pas? On parlait de McDonald's il y a quelques secondes. Ça aurait été bien de le faire juste après l'article sur McDonald's, mais quand même. Paris est le seul endroit où McDonald's n'a pas AD. Ouais, je recommence ma phrase. Paris est le seul endroit où McDonald's affiche un logo blanc. Dans la non rue. Pas jaune. Et non pas jaune, exactement. Les Golden Arches, comme on les appelle, et qu'on voit dans tous les restaurants McDonald's du monde, ont très, très, très, très peu de variations à travers le monde. On peut remarquer quelques exceptions, dont ici même au Canada. Canada, comme on l'appelle. Où il y a une feuille d'érable. Apprenez pas l'anglais de moi. Où il y a une feuille d'érable sur le M, t'as remarqué, dans le milieu. Comme si c'était une compagnie canadienne, ce qui n'est pas vraiment le cas. Bref, c'est ça, entre les arches. Et le McDonald's à Times Square, qui est couvert de lumière néon. Eh bien, le McDonald's aux Champs-Élysées à Paris, en France, a des arches de néon blanc pour aller avec le reste des magasins sur la rue. Donc, là-bas à Paris, tous les magasins ont des enseignes blanches pour, j'imagine, pas être trop agressant comme à Times Square, genre, faire le contraire si on veut. Il y a un autre McDonald's à Sedona, en Arizona, qui a des arches vertes. Il y a un décor complètement différent pour mieux, faire comme un caméléon, pour mieux se camoufler à travers la ville. ils ont décidé que c'était correct de faire des arches vertes. Je sais pas si... ben, c'est sûr que ça doit passer par McDonald's en premier. Là. Genre... On peut-tu faire des arches vertes? Ouais. Oui, d'accord. Ça m'a surpris que ça ait été accepté. Ben, c'est sûr, ouais, moi aussi. Étrangement. Contrairement à la croyance populaire, les arches dorées ne représentent pas des frites. Là, moi, je savais même pas que c'était quelque chose que les gens pensaient, là. Que les arches représentaient des frites. Ah ben, et quand même. Non, en fait, le menu original de McDonald's n'avait même pas de frites dessus du tout. Le logo d'arche est basé sur les arches jaunes qui faisaient partie du design des premiers restaurants McDonald's pour ajouter de la variété à leur décor qui était plutôt drabe. On dit que c'était rouge et blanc pas mal à la base. Après avoir éliminé Speedy, qui était la mascotte originale de McDonald's, une mascotte avec un hamburger à la place de la face, je n'étais pas au courant de ça non plus, hein? La compagnie McDonald's a décidé d'incorporer cette architecture distinctes dans leur logo. Et vu que les deux arches ressemblaient à un M, ben, ça fonctionnait bien pour McDonald's. Les restaurants McDonald's qui ont été développés par après ont laissé faire le décor avec les arches. Donc, ça s'est terminé. Mais ils ont gardé les arches dans le logo. Ah! Je ne sais pas. Ben non, ben, c'est le fun de savoir, là. Oui. On s'en va là-dessus, là. On va s'en faire. La bouche d'un crocodile a des muscles tellement faibles qu'on peut lui forcer à fermer sa bouche en mettant un élastique autour. Juste ça, c'est tout. Un élastique. Oh. Il va y avoir plus de suites de films en 2011 que lors de n'importe quelle autre année de toute l'histoire du cinéma. Ah ouais? Pas très surprenant en même temps parce que tous les films ont l'air d'être des suites en ce moment. Ouais. Parlons-en. Donc cette année, il va y avoir 27 suites. C'est presque un cinquième de tous les films, ben, les films majeurs qui vont sortir aux États-Unis. Il va y avoir entre autres bon, Mission Impossible, Ghost Protocol, Pirates of the Caribbean and Stranger Tides, Scream 4, Spy Kids 4, All the Time in the World et The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1. Ça va être aussi l'année où il y aura le plus de films avec un 4. Ben non, ça c'était pour ceux qu'on vient juste de mentionner, okay. Soit avec un 4 dedans ou la quatrième partie d'un film. Non seulement ça, mais ça va être aussi l'année pour le plus de films avec un 5. Ça va briser un autre record. Fast 5, Final Destination 5, Puss in Boots là, de Shrek, là. X-Men First Class et Winnie the Pooh. Il va aussi y avoir deux films qui vont être des septièmes parties. The Muppets... Arrêtez, mon Dieu! The Muppets and Rise of the Apes. Non, ça c'est deux films différents. The Muppets et Rise of the Apes. Et une partie 8, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. C'est beaucoup de films ensuite, ça. Oui, un peu trop. Je te demande de choisir entre les deux derniers faits. Le grille-pain qui a été inventé avant le pain tranché ou encore le nez humain qui peut distinguer entre 10 000 différentes odeurs. Ou différentes odeurs. Je peux te choisir les deux, Mathieu. OK, c'est bon. Commençons avec le nez humain. Il peut distinguer plus de 10 000 odeurs. Bon, il y a des centaines de différents genres de neurones dans le nez qui sont spécialisés en fait pour reconnaître les différentes odeurs et transmettre les signaux au cerveau. Ça arrive lorsque les molécules des choses que tu sens peuvent voyager à travers votre nez. Donc, peu importe ce que tu sens, une fleur, un fruit, un oignon, ça va distribuer de ces trucs-là, des choses chimiques volatiles qu'on appelle des odorants qui vont se rendre jusqu'à ton nez en s'évaporant. Et ça va activer les neurones dans ton nez qui vont vous permettre de reconnaître les odeurs. Des neurones d'odeur spécialisés existent pour sentir des odeurs particulières, des odeurs spéciales, ce qui nous permet de distinguer, oui, entre 10 000 différents odorants. Eh bien, c'est pas mal. 10 000. Et le grille-pain a été inventé avant le pain pré-tranché, d'accord? Donc, le pain grillé, c'est commun depuis la Rome antique. Par contre, c'était pas avant 1853 que le premier grille-pain électrique a été inventé par une firme britannique qui s'appelait Crompton & Co. Le modèle d'origine ne faisait griller qu'un côté du pain à la fois et ça forçait quelqu'un donc à rester à côté pour surveiller pour pas que ça brûle, hein, parce qu'il y avait pas d'automatique, là. Non, il popait pas out, là. Il popait pas out. C'est si bien dit. Il popait pas out du tout. Le toaster avec un pop-up timer, comme on appelle, contemporain. Mm-hmm. C'est comme une combinaison contemporain et brun. C'est brun. Pour le pain brun. ça n'a pas été inventé vers 1919. 9 ans après le modèle révisé et 75 ans après le grille-pain britannique original, celui qu'il fallait surveiller, un homme du nom de Otto Frederick Rohweder est arrivé et a inventé la chose la plus cool depuis le pain tranché, comme on dit. La chose la plus cool. C'est donc une machine à trancher le pain mécaniquement. Sa première machine incorporait des pins, si on veut, des pins, je vais l'appeler comme ça parce que j'ai aucune idée quoi dire en français, pour tenir les tranches de pain ensemble. Ça fonctionnait pas très très bien et le pain devenait, bon, plus bon très rapidement. il attachait les tranches ensemble pour pas que l'air entre, mais il y avait rien autour. Hein? Donc, en 1928, il a fini une machine qui tranchait le pain et qui l'enveloppait dans du plastique. Donc, le pain pré-tranché et le grille-pain électrique, c'était une combinaison gagnante et c'est maintenant toujours dans la tradition des déjeuners. Merveilleux. Merveilleux, en effet, et bon appétit à ceux qui mangent une toast sans avoir à la surveiller pour pas qu'elle brûle. Non, ça c'est génial. C'est une magnifique invention. Merci, voilà pour, Mathieu. La chronique, c'est un fait. Ben, ça fait plaisir, François-Olivier Marchand. J'ai appris plein d'affaires. Oh ouais? Oh oui. Eh ben, Sport. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Et voici justement l'ajustement, présenté par les étudiants du département de chiropratique de l'UQTR. Salut Chani. Salut Danny. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Ben ça va très bien. Et puis j'espère que ça va encore aller mieux avec tes conseils peut-être. Ben certainement. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Et puis présente-toi un petit peu, qu'est-ce que va être la chronique désormais dans le dîner de cons de cette chronique ajustement? Oui, certainement. En fait, ce qu'on va faire dans les semaines qui suivent, on va exposer le public à différents sujets qui sont en lien avec la chiropratique, bien sûr. Aujourd'hui, on va se concentrer juste pour définir qu'est-ce que c'est la chiropratique, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est, en fait. Puis, après ça, on va prendre des sujets peut-être un petit peu plus précis, des conditions de santé qu'on peut voir en chiropratique et qu'on peut aider. Bien, parfait. Donc, je te laisse aller. Parfait. Donc, la chiropratique, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Ça vient du grec. Ça a été formé à partir de deux mots grecs. Le premier qui est « chair », qui veut dire « traitement okay. », et « praxis », qui veut dire « main », donc « traitement avec les mains ». C'est un Canadien qui a inventé ça, la chiropratique, mais aux États-Unis. C'est de valeur un petit peu. OK, il a inventé ça aux États-Unis, mais il était d'origine canadienne. Exactement. Il est né ici, mais il s'est exilé aux États-Unis. Ce monsieur-là, il s'appelle Dee Palmer. Okay. Et puis, la chiropratique, ça a été inventé en 1895. OK, ça commence à faire quelques années. Oui, quand même. On a déjà passé 100 ans. Fait que on est une jeune profession. Mais ouais, c'est sûr que quand on regarde comparé à la médecine, c'est jeune. Là. Oui, c'est ça. Mais on commence à prendre notre place. Puis ça correspond aussi pas mal en même temps que l'apparition des radiographies. Donc, c'est pour ça que les radiographies, c'est un outil qu'on sert vraiment de façon régulière en chiropratique. Puis, la chiropratique, ben c'est rendu dans plein de pays à travers le monde. On parle Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Australie, Brésil, Japon, Corée, Afrique. En fait, on commence à s'installer un peu partout à travers la planète. Puis la chiropratique, ce que c'est, intégralement, c'est une discipline de la santé où on va mettre en relief les pouvoirs de récupération inhérents du corps. Donc, en d'autres mots, c'est que nous, ce qu'on croit, c'est que le corps a la capacité de se guérir lui-même. Et nous, ce qu'on va apporter comme traitement, ça va être de venir ajuster les structures pour amener la meilleure fonction possible. Donc, la structure... Motiver un peu le corps à se guérir. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on a notre cerveau qui est le master de tout le corps. Oui. Il coordonne que ce soit les mouvements, la respiration, là, toutes nos fonctions. Et lui, pour contrôler tout ça, va passer ses informations à travers la moelle épinière et les nerfs. Et la moelle épinière et les nerfs sont dans la colonne vertébrale et sortent de la colonne vertébrale. Donc, nous, on s'assure que la colonne vertébrale fonctionne bien afin que l'information passe bien. Oui. Exactement. Wow, ben c'est une bonne chose. Moi, j'ai déjà utilisé quelquefois et puis ça m'a bien aidé quand même, la chiro. Oui, ben en fait... Moi, je dirais une petite tranche de vie ici. Moi, je suis une vieille étudiante dans ma cohorte. Je suis en cinquième année, je termine cette année. Mais en fait, c'est parce que la chiropratique a changé ma santé et ma vie que je suis venue étudier la chiropratique pour pouvoir partager ça avec les gens. Puis ici, à Trois-Rivières, je pense que c'est le seul département de chiropratie au Québec, non? Absolument. En fait, au Canada, il y a seulement 12 institutions où on peut apprendre la chiropratique. Il y a le CMCC à Toronto, Memorial Chiropractic College of Chiropractic, et il y a ici à Trois-Rivières. Sinon, on est chanceux? Oui, vraiment. Sinon, il faut aller aux États-Unis, puis là, ben ça commence à coûter cher. Est-ce que tu es originaire du coin? Non, en fait, moi, je suis dans la région de Drummondville. Je suis quand même pas trop quand même pas loin. Mais c'est ça. Mais ça a bien à donner, finalement, quand même, de pas trop s'exiler trop loin. Exactement. Ah! Et puis sinon? Sinon, bien, premièrement, un chiropraticien, c'est un professionnel de la santé, de premier contact. Donc, on n'a pas besoin d'une référence pour aller voir un chiropraticien. C'est pas comme, mettons, un spécialiste, mettons, faut que tu te fasses référer par ton médecin... Pour un médecin spécialiste, un problème spécial, tu peux aller voir directement ton chiro. Exactement. Okay. Exactement. Puis, la particularité du chiropraticien, c'est qu'il va considérer vraiment l'être humain dans sa globalité. Donc, on ne s'arrêtera pas juste au bobo. Donc, si tu viens me voir, Dani, parce que tu as des maux de tête, ben je ne m'arrêterai pas juste à tes maux de tête. Je vais regarder ta santé en général. La raison pourquoi j'ai des maux de tête. Exactement. Puis, on va investiguer ça. Donc, okay. Puis après ça, ben on va exploiter comme j'expliquais tantôt, tes pouvoirs naturels de guérison. Puis on va essayer de faire fonctionner ta machine le mieux possible. Mmh. Ben c'est bien parce que il faut que ça aille bien dans la vie. Hein. C'est oui. Assez difficile déjà comme ça. Oui. Puis en fait, si je reviens un peu à l'université ici, oui. Là, la formation, pour que les gens sachent un peu qu'est-ce que c'est comme formation, s'il y en a qui sont curieux, la formation en chiropratique, c'est un doctorat de premier cycle. Okay. Donc, c'est un peu comme en médecine, par exemple. Et il existe des spécialisations aussi après, s'il y en a qui veulent aller en chiropratique sportive, en pédiatrie, en sciences cliniques. Okay. Ça, c'est un peu comme la résidence ou la spécialisation en médecine, là, si je fais des parallèles. Puis, c'est 5 ans d'université à l'UQTR. De plus? OK. Non, juste la formation okay. de base, c'est 5 ans ici à l'UQTR. Il y a beaucoup de... collèges chiropratiques qui vont offrir la formation en 4 ans, mais avec des sessions d'été à chaque été. OK, OK. Donc, c'est quand même chargé. C'est 245 crédits sur les 5 ans. C'est un gros cours. Oui. C'est assez imposant. Là. La première session, en première année, on peut commencer avec un 27-30 crédits par session. OK. Donc, faut s'atteler, disons. Oui, absolument. Et à travers notre formation, bien, on va avoir 2300 heures de théorie environ, au-dessus de 2500 heures de stage, de formation pratique. En fait, l'internat, comme moi, je suis en train de faire, là, c'est au-dessus de 1500 heures. Le fais ici, ton internat? Oui. À la clinique de chiropratique de l'université? Oui, exactement. Mais justement, ça, mettons, pour les gens qui nous écoutent, là, est-ce qu'on peut venir se faire traiter par des chiros ici, par des étudiants? Certainement. Et comment ça fonctionne? Soit qu'on téléphone à la clinique, soit qu'on se présente directement à la clinique. Si vous connaissez quelqu'un qui étudie dans le programme de chiropratique... Moi, c'est comme ça. C'était par une fille qui étudiait, qui m'avait amené à la clinique. Mais justement, je me dis, quelqu'un qui connaît pas, personne qui est là, des fois, le service est quand même pas connu. Et puis, les frais, c'était vraiment pas cher. C'était intéressant pour le public. Là. C'est très compétitif par rapport à des chiropraticiens qui sont en pratique ben, privée. C'est ça. Parce que, justement, on est dans un milieu universitaire d'apprentissage. Donc, mais les gens ont juste à se présenter. S'ils connaissent quelqu'un, ils peuvent prendre rendez-vous avec cette personne-là, si elle est en clinique, oui. Bien sûr. Sinon, la personne va prendre le rendez-vous au moment qui lui convient et puis va être attribuée à un étudiant. Là, on a tout un système pour distribuer ça. Je suis pas inquiet. Mais ça, c'est intéressant. Je pense que ça peut venir chercher les gens un peu parce que, en plus, dans une clinique universitaire, c'est toujours intéressant de voir justement les nouveaux qui commencent. Et puis, oui. On est d'habitude, on est aussi des équipements qui sont quand même assez intéressants. Puis tout, on est dans une université. Là. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque étudiant est supervisé par un clinicien. Parce que techniquement, on n'aurait pas le droit de pratiquer la chiropratique sans licence. Oh, oui. Et là, on pratique sous la licence de ces chiropraticiens-là. Et puis, on peut avoir différents cliniciens et apprendre différentes choses de ces différents cliniciens-là et vraiment aider à offrir de meilleurs soins à nos patients. Ouais, c'est merveilleux. Oui. En fait, justement, je reviens sur le programme. C'est un programme de doctorat. Donc, le chiropraticien peut utiliser le titre de docteur en chiropratique. Puis, ça l'implique, en fait, ce titre-là, que le chiropraticien a les compétences pour établir un diagnostic. Donc, c'est pour ça que je disais, si tu viens me voir parce que tu as des maux de tête, bon, mais je prendrai pas juste pour du cash que, OK, Dani a mal à la tête, je vais faire ça. Non, je vais investiguer pour voir c'est quoi la source de ces maux de tête-là puis établir le meilleur diagnostic possible. Je vais déterminer aussi l'indication ou la contre-indication au traitement. OK. Parce qu'il peut arriver des fois que des gens vont se présenter, ils ont mal dans le dos, mais finalement, c'est un cancer. Fait que c'est pas moi la bonne personne qui peut traiter aider cette personne, ce patient-là. Donc, je vais le référer à ce moment-là. À un médecin plutôt, oui, quelque chose du genre. Oui. Malheureusement, on ne peut pas référer, nous, directement aux spécialistes. Donc, il faut toujours passer par les médecins de famille. Personne a. Oui, malheureusement, des fois, ça complique un peu les choses parce qu'il faut soit les envoyer à l'urgence ou dans les cliniques sans rendez-vous. Oh, mais encore là, des fois, ça peut être long d'attendre pour les patients. Puis c'est pas très intéressant, mais des fois, c'est quand même nécessaire. Il faut passer par là. Et puis, justement, tu dis, le rapport des médecins avec des chiro, il y en a. Des fois, on entend parler que des fois, c'est pas bien vu un à l'autre. Tu sais, c'est pas nécessairement qu'on s'entend bien les deux ordres professionnels, là. En effet. En effet. Mais pourquoi? Il me semble que c'est pas. C'est les deux, c'est pour le bien de la personne, me semble. Je suis d'accord avec toi. Puis moi, dans mon optique de la santé, ce qui est important, c'est le patient, puis c'est le bien-être du patient. Donc, je suis très ouverte à travailler avec d'autres professionnels de la santé. Je les vois pas comme mes compétiteurs. Il me semble que non. Non, c'est ça. On travaille dans l'intérêt du patient. Ça, c'est ma vision. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui partage cette vision-là. Et puis, je sais pas, certains nous voient peut-être comme une compétition. Ouais. Et ou des fois, c'est juste l'ignorance. Hein. Les gens, ils nous connaissent pas, ils savent pas ce qu'on fait. Et des fois, quand on connaît pas quelque chose, on peut avoir... Ça nous fait peur. Exactement. Exactement. Mais je pense que les nouvelles générations de médecins, change, disons. Ça change, c'est oui. ça. Ils commencent à avoir une ouverture d'esprit, surtout avec notre système de santé qui commence à être déficient et boiteux un peu. Oui, un petit peu, faut le dire. Donc, c'est ça. La clé, je pense, c'est vraiment de tisser. De travailler ensemble, exactement. On va souhaiter cette harmonie. Oui, oui, absolument. En fait, le chiropraticien, si on parle de santé, justement, de la façon qu'on perçoit ça, si je prends juste la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Puis c'est pas juste une absence de la maladie. Puis je pense que... J'aime ça ce que tu dis là. Souvent, on va dire... Ah, je suis pas malade, ça va, mais ça va pas nécessairement tant que ça. Non, exactement. J'ai un rhume. Bon, c'est évident que là, il se passe quelque chose dans mon corps. Le nez coule, je tousse, je fais de la fièvre. Mais je peux être déprimée, mais ça paraîtra pas nécessairement. Puis quand je suis déprimée, ben je me considère pas nécessairement en santé. Et puis je pense que c'est ça qui a été un élément qui fait une différence, disons, entre la perception de la santé chez le chiropraticien par rapport peut-être à la médecine plus générale, c'est que la médecine générale, souvent, on mettait l'emphase dans le passé sur le symptôme. Bon, t'as le rhume, t'as le nez qui coule, qu'est-ce qu'on fait là? On va guérir ce symptôme-là. Oui, là. Exactement. Dans l'immédiat, le plus vite possible. Mais après, ça peut revenir à cause de d'autres choses. Là. Exactement. Si t'as un problème avec ton système immunitaire parce que tu t'alimentes mal... Tu pognes tout ce qui passe. Exactement. Il faudrait peut-être regarder plus à changer certaines habitudes de vie. La santé en général, puis le réseau de santé commence à percevoir ça plus de tant mieux. Cette globalité-là. Donc oui, on va peut-être arriver un jour à être tout en harmonie. C'est le souhait de tous, hein, vivre en harmonie. Exactement. Donc c'est vraiment... Quand un chiropraticien regarde un patient, il va vraiment regarder son aspect physique, son aspect mental, son aspect social. On va poser plein de questions. Parfois, on va même te demander, bon, ben, sur une échelle de 0 à 10, une échelle de bonheur, où tu te trouves d'aller? Oh, ouais. Je veux pas te répondre. C'est bon. Mais c'est ça. C'est sûr que chaque individu, surtout dans nos sociétés occidentales, on est vraiment exposé à des stress énormes et chaque personne va s'adapter de façon très différente à ces différents stress-là qu'on vit. Donc, chaque personne va avoir des symptômes différents. Une des grandes questions de Dee Palmer était pourquoi deux individus dans un environnement similaire, il va y en avoir un qui va être malade et l'autre ne sera pas malade. Donc, c'est quand même une question à se poser. Mais je pense que là, on revient justement à ces principes-là d'adaptation. C'est comment on est capable de s'adapter à notre environnement. Puis là, il y a tellement de facteurs qui jouent là-dedans. Comme tu dis, autant le stress, autant la bouffe, autant l'activité physique, tout. Là. Exactement. Puis quand on pense au physique, au mental, bien, je reviens avec le fait que c'est pas l'absence de symptômes qui fait qu'il n'y a pas quelque chose qui va pas bien là, dans notre globalité. Ah. Donc, très profond. Oui. Mais merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Donc, tu vas venir nous revoir. Ah non, c'est vrai, tu vas être le mercredi, toi, avec Assemblage requis. Oui. C'est bien ça, avec Mathieu Plante. Ça va être le mercredi matin, vers quelle heure? 8h30. Donc, 8h30. Et puis moi, ben, je vais avoir, je me rappelle plus de son nom, ton collègue. Marc-Antoine. Marc-Antoine qui va être là, donc, les lundis. C'est en plein ça. Exactement. Mais je te remercie. Mais je suis content de t'avoir vu quand même, même si on se voit pas longtemps. Mais oui. La prochaine fois, tu vas être avec mes amis d'Assemblage requis. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis. Stéphanie Gallier, ton plat favori, c'est ta chronique sur tes choses préférées que t'aimes là, alors pas tantôt, là, pas là, quelque temps, là. Là. Pas ouais. Hier, mais aujourd'hui. Hier, belle journée en passant. Ouais, super belle journée. Aujourd'hui, une pièce de théâtre. Hey. Ah! Hey, vous êtes malade! Je vous ai juste entendu tantôt, puis je trouvais ça drôle. Ben, c'est un domaine très peu souvent exploré. Mm. C'est vrai. Par Stéphanie. Mais par nous autres aussi, j'assiste pas beaucoup à des pièces de théâtre. Non, ben, ouais, c'est ça, parce que ça coûte un petit peu plus cher voir des pièces de théâtre tout le temps que de louer un film ou écouter de la musique sur MySpace. Ça. Une pièce que j'aimerais voir, par exemple, c'est Brou. Ouais? Ouais, ça c'est vrai. Ça fait longtemps, mais. Moi, il y a plusieurs pièces que je voudrais voir. Tout ce qui est Shakespeare, tout ce qui est Broadway, toutes les classiques, j'aimerais ça voir. Cats! Non, pas Cats, mais plus pas Rent. Okay. J'adore Rent. Pour qui d'ailleurs qui refont le film en pièce de théâtre? Hein? Ah ouais. Ouais? Vrai? Pour qui le film canadien? Okay. Non. Ça aussi. Les gens étaient au bout de tes lèvres. Attendez la suite. Et la date. Ouais, la date, les billets. Waouh! Donc, Stéphanie? Non, une pièce de théâtre. D'accord. Un film que j'ai écouté la semaine dernière, ça s'appelle The Romantics, et j'ai écouté ça à la Saint-Valentin. Mais c'est vraiment pas un film de fifille de Saint-Valentin. Mais pas du tout. C'est un film inspiré du livre du même titre de Galt Niederhofer. C'est aussi cette dernière qui a écrit le script... et qui a été la réalisatrice tout le kit. C'est avec Katie Holmes, Josh Duhamel, Elijah Wood, Adam Brody. Il y a plein de bons acteurs dans ce film-là, mais c'est vraiment pas un film hollywoodien du tout. Tout le film est filmé avec caméra sur l'épaule, donc ça donne vraiment un aspect super réaliste. J'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment pas léché ou poli comme film. C'est vraiment... Ça n'arrête pas de sacrer, ça. C'est pas poli. Pas dans ce genre-là. Genre que style, l'image est pas... clair, des fois, on dirait que c'est vraiment une caméra prise maison, là. Ça te donne pas mal au cœur à la longue? Ou, non, on dirait juste que t'es... Moi, j'ai embarqué encore plus dans l'histoire parce qu'on dirait qu'il drop dans une place puis que t'es vraiment là puis que t'es voix. Oh. Des films hollywoodiens, t'as pas l'impression d'être là avec eux autres, t'as l'impression de juste les regarder dans un film. Parce que ça a pas l'air réel. Tu sais que c'est un film, mais là, ça avait vraiment l'air réaliste. J'ai vraiment aimé ça. Dans le fond, l'histoire, c'est... 7 amis du collège qui se réunissent après quelques années, mais ils se tiennent encore ensemble. Puis après quelques années, il y en a 2 d'entre eux qui se marient, Lila et Tom. Mais Tom a déjà eu une relation de 5 ans avec une des autres filles du groupe, et c'est elle, la dame d'honneur. Fait que là, il y a plein de problèmes. La dame d'honneur, elle l'aime encore. Lui, il a encore des sentiments pour elle, mais là, il se marie le lendemain. Fait que, à savoir s'il va se marier ou non. Non, c'est vraiment pas comme ça a l'air. C'est vraiment pas un film quétaine, kitsch. Mais pas du tout. C'est vraiment, je trouve ça vraiment bon. Puis dans le fond, ça se déroule sur 24 heures. On voit plein de fragments d'histoire des autres amis en dehors du triangle amoureux. Moi, j'aurais voulu voir ça sur une série télé parce qu'on voit plein d'histoires, mais l'histoire se finit pas dans le fond. Mm-hmm. Ça fait pas une boucle à la fin du film, donc ça laisse place à l'imagination ce à la est, fin. Ce qui est pas très hollywoodien parce qu'à Hollywood, ben, petite fin joyeuse, tout le monde est content. Exactement. Le contraire. Des fois, quand il n'y a pas une petite fin joyeuse, il y a quand même une boucle. T'sais, la boucle, elle se referme, puis le film est fini. Mais là, ça laisse vraiment place à l'imagination parce que l'histoire n'est pas finie. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, finalement. Donc, il va y avoir une suite, j'imagine. Je penserais pas. C'est pas le genre de film à suite. C'est ouvert à l'interprétation. Exactement. C'est ça. C'est super bon. Dans le film, il n'y a pas beaucoup de pièces musicales, mais durant une scène assez importante dans le film, il y a une pièce que j'ai reconnue la voix, c'était la voix de Jay Malnowski de Bedouin Soundclash. Et après ça, il s'est mis à avoir la voix de Cœur le pirate. Hein? Là, je me suis dit, quoi? C'est peut-être un Mestis, mais ils n'ont même pas sorti leur album encore, puis le film est sorti, ça fait quand même un an. Oui. Fait que là, et Armistice est sorti super récemment, leur maxi. Oui, leur maxi est sorti la semaine passée. Fait que là, je me mets à chercher avec les paroles sur Google pour essayer de trouver c'est quoi la pièce d'Armistice qui joue. Et finalement, je trouvais rien. J'étais pas capable de trouver c'était quoi la pièce. Et finalement, je me suis rendu compte que sur le dernier album de Bedouin Soundclash, il y avait une pièce que Cœur le Pirate chantait dessus. Fait que finalement, c'est cette chanson-là, c'est la pièce Brutal Hearts de leur dernier album Light the Horizon. Et c'est cette pièce-là qu'on va l'entendre. Il n'y a pas qu'il y a un enfant. Il est un enfant lui-même. En a un autre. Quand ils se battent avec un. L'une, c'est un journal, puis l'autre, c'est un carton. Hey, là! Battez-vous pas! C'est quoi ce jeu? Je trouve ça plate que t'agisses comme ça, Steph. Il est épouvantable. C'est immature à mort, les enfants. Tout à fait. Bedouin Soundclash, oui. La pièce Brutal Hearts featuring Cœur de Pirate. C'était ma foi excellent, ça? Oui, c'est vraiment bon. C'est super calme. Très calme. Très doux. Très différent du style d'Armistice, évidemment, mais ça, c'est voulu, hein, quand même. Oui, mais dans Armistice, il travaille avec un groupe mexicain aussi. Oui. Durant tout le Mexique. C'est très mexicain, en effet. Et C'est très bon. Très mariachi. Mariachi! Le groupe s'appelle Mariachi El Bronx. Ça tombe bien. Bronx. Hein. C'est très... c'est ça. Bon. Merci beaucoup, Stéphanie. Vous savez tous qu'après le bloc Ton plat favori de Stéphanie, en fait, dans le même bloc, là, c'est considéré comme un tout, tout ça, il y a le dessert de Mathieu qu'on va faire cette fois-ci à la fin parce que celui de François, les crudités de François-Olivier, c'est plus calme. Ça fit très bien avec ta pièce de Bedouin Soundclash. L'artiste de Tiny, ça vient de Suède. J'aime beaucoup, beaucoup ce qui se fait en Suède. J'aime beaucoup des groupes comme Melon Carlin, Race Fist, ce truc-là. Donc, on va l'entendre de Tiny avec la pièce Closer, mais c'est très, très, très calme. Là. Lancez-moi pas de rush, personne. Non. Je vous dirais averti. Peut-être des journaux. Ah, ça coupe. Ça pourrait. Now I'm thinking. heart was screaming at my bones, I need you close, as he's in the middle of the street. Then I pretend he's mine to keep. Cars are running fast on both sides of his head, his eyes a closure. I met him when the sun was down, the bar was closed, we both have had no sleep, my face beneath the street lamp, it reveals what it is, lonely people see. De Tiny avec la pièce Closer. Ah, pas de commentaire. Ben non, mais c'était bon, c'était calme, c'est vrai, mais en même temps, c'était très bon. Ça m'a fait penser un petit peu à First Aid Kit, mais pas tant que ça, là, tu sais. Le groupe que Stéphanie ouais. aime, là. Ouais, un petit peu. Le thème de la voix, je trouvais. Ouais, un peu. La façon de chanter. Un peu. Un peu. Pas tant que ça. D'accord. Ça, c'était les crudités de François-Olivier dans le bloc Ton plat favori de Stéphanie Gagné. Et on complète avec mon dessert. En fait, c'est logique que le dessert est à la fin, par contre. Ouais, je comprends pas pourquoi le dessert était avant les crudités. J'avoue, je comprends pas pourquoi les crudités sont après le repas. Non, ouais, moi aussi. Je pense que ça va par ordre d'arriver dans la chronique. Hein. Je me suis intégré avec mon dessert tard dans la dans la vie de ta chronique et le français est arrivé après. On le met à la fin. Hein? Ouais. Bref, mon dessert, Stéphanie, est extrêmement... ça goûte plus le fromage, je te dirais. C'est comme un gâteau au fromage. C'est extrêmement cheesy. Extrêmement fromagé, comme on pourrait dire en français. Sais-tu que mon dessert préféré, c'est un gâteau au fromage? Ah, ben moi aussi, donc ça donne très, très ça bien. Ça donne bien. C'est cheesy à souhait, c'est la série Full House. OK? Parce que, oh mon Dieu, oui, avec les jumelles Olsen quand il y avait comme 3 ans. Exactement. C'est très, très vieux. Série de 87 à 95 sur ABC. Je me suis procuré le coffret DVD complet de la série. Je m'assume très, très beaucoup oh, là-dedans. Oh mon Dieu. C'est extrêmement cheesy. C'est très années 80, très cliché, très souvent blague facile, humour très, très léger. Mais c'est mon enfance. C'est mon enfance. J'ai appris l'anglais sur cette série-là. C'était un très, très bon moment que j'ai passé pendant toutes ces années-là. Et puis, bref, c'est ça, le coffret DVD est très bien fait. Très belle petite maison que tu peux... C'est vraiment littéralement la maison de la famille Tanner. Ouais. Donc, et tu peux enlever le toit et puis sortir les boîtes de DVD. Bon, parlons de Full House, la série qui, en français, s'appelait La fête à la maison. Très, très, très cliché. La fête à la maison. Série américaine de 192 épisodes. On parle de Danny Tanner, c'est un père dans cette série-là, qui élève seul ses trois filles, DJ, Stéphanie et Michelle, d'accord? Après la mort accidentelle de sa femme, Pam, ils vivent à San Francisco. Et puis, pour l'aider dans l'éducation de ses filles, le gars, Danny, demande à ses amis, Joey Gladstone et son cousin, Jesse Katsopolis, de l'aider à élever les enfants. C'est un peu comme trois pères et un couffin, hein? Comment ça s'appelle le film Three Men and a Baby? C'est des années 80, trois hommes et un couffin. C'est ça en français. Je sais pas, moi je connais Two and a Half Men. N'a pas. Mais ça joue encore. Pas exactement la même chose, un peu moins cheesy celle-là. Danny devient animateur de l'émission du matin à la télé et puis là, il a fait la connaissance de Rebecca Donaldson qui va devenir la femme de Jesse. Donc, inspiration un peu pour rentrer dans les médias pour moi, sérieusement, parce que c'était. Il y a beaucoup de séries qui m'ont inspiré à faire de la radio. François, je sais pas si c'est le cas pour toi aussi. Non? Moi, j'écoute pas énormément de séries. Donc, t'as commencé à faire de la radio pour le plaisir, comme ça, sans vraiment avoir d'inspiration. Moi, c'est la musique, pour vrai. Ouais. C'est la musique, tout d'abord, que j'aime particulièrement. C'est très bien. Très bien. Quitte à rester dans le cheesy et de s'assumer pleinement dans cette cheesitude, pourquoi ne pas aller entendre... Oui, je sais, et je m'assume, et je prendrai les conséquences de mes actes. On écoute la chanson thème de Full House. Voici Jesse Fredericks. Et ça dure juste 1 minute 30, c'est comme ça. Whatever happened to predictability? The milkman, the paper boy, evening TV. Did I get to live in here? Somebody tell me, please. This old world confusing me. Clouds as mean as you've ever seen. And a bird knows you're true. Then a little voice inside you whispers. Le fromage est tartiné bien dans les coins, je pense, ici. Hein? Moi, je prédis que la prochaine série télé que tu vas t'acheter, c'est genre Seventh Heaven. Non. Wow, attends une minute. Là. Non, il n'y a rien de drôle en Seventh Heaven. Par contre, même principe, une famille qui vit sous le même toit, ça, il y en a plusieurs. Hein? Ouais. Ils sont 7 enfants, les deux parents. Le père, c'est un... Un prêtre ou quelque chose comme ça. Bon, un peu un prêtre, mais c'est en tout cas... Là, ça, c'est pas ma série, ça, Seventh Heaven. Même si j'ai regardé déjà Seventh Heaven, mais c'est beaucoup trop religieux pour moi. Trouve pas? Ben, je m'en rappelle plus trop, j'écoutais ça quand j'étais jeune, mais j'avoue que si j'écoutais maintenant, à cette heure que je suis 0-0-0 religion, peut-être que j'aimerais pas ça. Ouais. Bref, mon coup de cœur à moi, Full House, la série au complet, ça m'a juste coûté 140$, là, cette série-là quand même. Là. Mais c'est mon enfance, à un moment donné, quand t'as des choses, des souvenirs, de la nostalgie comme ça, faut le dire, tu te gâtes un peu des fois. Ma série de la Family Show a coûté à peu près ça. Sauf que j'aime pas mal mieux la Family Show. Ouais, j'imagine. Ah, donne une chance à des choses. Bon.

peur pour quelqu'un était-ce vraiment si opportun? Plus beau encore que les colombes, le tranquille sifflement des bombes restera juste dans ta tête, même quand tu voudras qu'il arrête. La pièce L'uniforme du tout nouvel album Tout chaud, tout beau, Saint-Maurice-Logan d'Antoine Corriveau. Salut Antoine. Bonjour. Je pense qu'on va entendre quelques fois du Antoine Corriveau sur les ondes. Super. C'est, ouais. C'est très, très. C'est une bonne nouvelle pour nous aussi parce qu'il n'y a pas tant de trucs en franco qui sort en ce moment. C'est dans un creux, moi, je trouve, qui est assez oui. Ordinaire. Ouais. Fait que je trouve que tu arrives bien à point. Ben, super. Oui. Et puis, justement, si on reprend le titre, Saint-Maurice-Logan, c'est quoi? C'est deux rues, Saint-Maurice à Trois-Rivières, ouais. Logan à Montréal. Ah! Donc, tu as déménagé dans ce coin-là? J'ai habité sur Logan. Okay. J'ai quitté Logan le 1er février, en fait. OK. Fait que c'est vraiment... étonnamment, ça porte vraiment bien son nom parce que je suis parti de Logan au moment où... où je sortais l'album. Fait que c'est vraiment la période de ma vie où j'ai composé ces chansons-là. Puis, j'aimais l'idée de... Il y a beaucoup de références à la route puis au déplacement sur l'album. Puis j'aimais beaucoup l'idée, en fait, que ça annonçait ça un peu, mais de façon... Subtil. Toi, tu le sais, puis justement, les autres, ça rend les gens curieux, et puis ouais. On veut s'informer. Mais justement, tu as commencé la compo de ça, justement, à Trois-Rivières au début? Les plus vieilles chansons sur l'album sont nées à Trois-Rivières. Puis okay. Je suis à Montréal depuis 2008. Saint-Maurice, j'étais là en 2006. Donc, c'est vraiment des chansons nées, disons, entre 2006 puis 2010. Ouais. Excellent, ça. Puis, justement, si on parle de Montréal, moi, je sais que tu faisais pas mal tout toi-même et puis tu as toute ta promo et puis tout le kit. Est-ce que ça a changé? Est-ce que tu fais encore tout toi-même ou bien il y a du monde qui donne un coup de main? Ben, en fait, musicalement, on est une belle gang. Mais en ce qui concerne mon booking, promo et tout, oui, pour l'instant, je suis encore tout seul à... Ça me rend triste un peu. Ben, c'est correct. Je veux dire, peut-être que le disque va faire avancer les choses un peu. Je pense que oui. À date, la réaction est bonne. Et que c'est le fun. Puis, en fait, je trouve ça intéressant, justement. Tu sais, oui, c'est tough à amener. Puis, c'est dur de tout faire tout seul. Mais en même temps, c'est. Ça rend fierté. Ben, c'est la semaine, depuis jeudi, j'ai été dans la recommandation de la semaine dans le Voir. C'est cool qu'une production indépendante se hisse jusque-là. Tu sais, c'est que c'est une super belle surprise. Puis, ça donne un bon coup de pouce, OK. C'est une très belle carte de visite en plus. Puis comme tu dis, c'est sûr qu'il y a la fierté quand tu arrives par toi-même puis que tu n'as pas eu tout cuit dans le bec. Ouais, ouais. C'est sûr qu'il y a une petite fierté, on peut se flatter. Et puis je te dis bravo parce que je sais c'est quoi. Et puis c'est dur de se battre et de prendre sa place puis de la maintenir surtout. Mm-hmm. Mais en tout cas, wow, beau travail. Bel objet aussi. Beau digipack, vraiment intéressant. Et puis tu parles, vous êtes une belle gang. Est-ce que c'est beaucoup de nouveaux musiciens où il y a tes chums du premier projet quand tu étais à Trois-Rivières? Il n'y a pas de monde de Trois-Rivières, okay. Vraiment. Il y a Angélane Brouillette qui avait chanté sur le premier EP, okay. qui a aussi chanté un peu sur celui-là. Sinon, c'est mon groupe que j'ai depuis que je suis à Montréal. Okay. Émilie Proulx, Stéphane Beauchemin, Sylvain Lemire. Puis il y a Nicolas Groux qui a co-réalisé l'album avec moi, qui a son studio, avec qui j'ai travaillé très étroitement, disons. Puis sinon, il y a beaucoup de musiciens invités qui sont venus le temps de deux ou trois chansons. Là. Okay. Il y a Alex Nevsky qui est venu jouer. Avec sur quelle pièce? Sur Dérapage puis Kilomètre. OK. Dérapage qu'on va écouter tantôt. Ouais. J'aime mieux le dire. Puis plein d'autres amis, là, Marianne Hull, Julie Blanche, Pascal Salafranc, Christian Gagnon, ben du monde. Une histoire de gang, finalement. Ouais, pas mal. Ça, c'est bon parce que ça crée un buzz aussi autour... Tu sais, quand tu as du monde qui sont avec toi, ben, eux-mêmes dispersent le buzz. Ouais, c'est une bonne chose. C'est vraiment... Puis moi, j'avais le goût de réunir y a plein de monde autour de moi que je trouve talentueux, dont j'aime le travail. J'avais le goût de mixer tout ce monde-là, réunir un peu les forces de tout le monde qui sont complémentaires, dans le fond. En tout cas, à la première écoute, j'ai bien aimé cette pièce parce que là, je l'écoutais pour la première fois, en même temps que les auditeurs. Et puis, qu'est-ce qui s'en vient sinon pour toi? Je veux dire, autant, là, t'es dans promo, c'est bien clair, mais est-ce que t'as des shows qui se bookent déjà ou comment ça se passe? En fait, là, je fais quelques shows là, prochainement, la fin de semaine prochaine, vendredi, samedi, je vais à Alma puis à Jonquière. OK. Puis, dans deux semaines, je fais Montréal puis Québec, un show complet, là. Puis en fait là après ça on prend une pause, on monte un peu un spectacle pour l'album, c'est ça, plus sérieusement. Puis je suis en booking, j'essaie de booker peut-être une petite tournée là pour le printemps puis l'été, essayer de peut-être te revoir dans promener. Le coin. Oui, normalement si tout va bien le 16 avril on est à Trois-Rivières. OK. Ouais. Et puis côté festival Ben c'est le but aussi, c'est ça, c'est vraiment de faire les festivals. T'es au bon temps en tout cas, un bon timing. Exact. Fait que ça va être d'essayer d'aller présenter le disque un peu partout. Là, mon but, c'est vraiment de tourner le plus possible. Là. J'ai envie d'aller dans loin et d'aller dans des correct, coins ça. Où je suis jamais allé. Et de promener dans la francophonie, l'autre bar, puis un peu partout. Mais je vais te le souhaiter. En tout cas, nous autres, c'est fou. On va vraiment être derrière toi, puis on va te faire jouer. Ça, c'est officiel. Ben, c'est déjà à la première écoute. C'est fouesque, disons, je pourrais dire. Ben, merci beaucoup. Ben, je te remercie, Antoine. As-tu de quoi d'autre, si tu veux, parce que nous rajouter quelque chose? L'album est en vente depuis aujourd'hui au Colimaçon, en fait. Puis sinon, il est en vente aussi sur mon site internet. AntoineCorriveau.com? Ouais, Antoine. Exactement. Puis il y a le MySpace qui roule encore un peu qui est là. C'est ça, on a tous des MySpace, mais on dirait qu'ils. C'est le Bandcamp. Ils se laissent survivre. Ils sont à la force de la vie, mais à peine. Bandcamp, tu peux donner l'adresse? C'est AntoineCorriveau.bandcamp.com. C'est là où on peut l'acheter, comme on peut acheter aussi mes deux anciens EP sur ma page Bandcamp. On va aller voir ça, promis. Et puis nous, on va aller écouter une autre pièce, Dérapage, justement celle avec du piano avec Alex Nevsky dessus. Ouais. En plein ça. Donc on va écouter ça drette là, puis on va se faire plaisir. Profitez-en. Merci Antoine. Ah! C'est pas grave, c'est bien. On est ici, c'est pour ça. Hein? C'est correct ça. C'est bon. Yes! C'était sur l'autoroute là, qui commençait, mais je suis sûr que c'était bon aussi. Merci Antoine. Merci. Sûrement des embouteillages quelque part dehors, quelque part ailleurs. Il y a tout le temps quelques dérapages quelque part dehors, quelque part mon cœur. Ce serait sûrement mieux si c'était loin, dans une autre ville ou chez le voisin. Ce serait moins lourd si c'était un autre, si c'était quelqu'un. C'était ma faute. Dans une autre ville, dans une autre vie, ce sera encore toi. Et pour m'endormir, si je réussis, ce sera encore toi. Il y aura sûrement d'immenses voitures qui disparaîtront sans trop de douleur. Il y aura tout le temps quelques vieilles blessures quelque part ici, quelque part sur nos cœurs. Une autre vie, ce sera encore toi. Et pour m'endormir, si je réussis, ce sera encore toi. Dans une autre ville, dans une autre vie, ce sera encore toi. Et pour m'endormir, si je réussis, ce sera encore toi. Antoine Corriveau avec Dérapage. Excellente pièce, excellent album, et puis je suis bien, bien content. Je suis content de te recevoir, de t'avoir reçu, Antoine. Ben, j'étais très content d'être là. Ouais, ouais, vraiment le fun. Merci de m'avoir reçu. Puis c'est le fun, comme je te dis, moi je t'encourage vraiment. Si tu me dis en plus que tu fais tout toi-même encore, je te souhaite juste que quelqu'un s'occupe de toi, mais pas trop. C'est dans le sens, on veut que tu restes toi-même. Il y a une liberté qui est agréable à avoir en s'occupant de soi-même. Ben, c'est ça, ouais. Exactement. T'es ton propre chef. Puis, en plus, quand tu gagnes quelque chose, ben, tu l'as pas volé. Ouais. Chapeau. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Bonjour Émilie Gauthier. Allô. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Vous avez de l'air particulièrement de bonne humeur, madame. Ah, ben, ça se peut. C'est les boucles d'oreilles. C'est les boucles d'oreilles. C'est doux, des plumes. Oui. Je te jure, ça relaxe. Quand t'es frustré, là, t'as un petit passé bout les plumes d'en face, je te jure, ça calme. Colin, c'est le fun, ça. C'est... Ouais, confession. Je vais m'en acheter, alors. Je vais me promener avec ça, ça va être super. Oui, ça te ferait bien. Ben, pourquoi pas. Mais elle fait des passes aussi, ça te ferait bien. Ah, passes? Des passes. C'est le retour des passes. Est-ce que c'est jamais vraiment parti, les passes, pas vraiment? C'est jamais vraiment parti. Non? Je sais pas, moi, il me semble que j'en vois pas bien souvent. Ah, moi, j'en vois beaucoup. Ils sont cachés en dessous des cheveux, peut-être. Moins ouais. Visible, hein. C'est moins. Ça, c'est la même couleur que les cheveux, tu sais, juste pour retenir le toupette que des fois, ça te tente de placer le matin. Étrangement, c'est pas une chronique mode ici, mais. Non, on aime ça. On aime ça quand même. Les petits conseils. Ouais. Quand tu sors des fois dehors, faut que tu sois peigné, peut-être pas l'hiver. Hein. Ouais. En dessous de ta tuque. Tout en bien n'importe où. Oui. Toujours. Comme toujours, tu nous parles de différents sujets, là. Hein, oui. C'est ça? Mais là, cette semaine, j'aurais aimé ça faire. Une semaine de relâche, tu sais, quelque chose de spécial, mais Internet n'étant pas tout le temps quelque chose de très pratique, ne fonctionnant pas chez moi, ben j'ai pas pu en faire, fait que je vais faire une chronique habituelle avec des informations que j'avais déjà recueillies. Ah! Faut que ça va être une chronique normale. C'est tôt. C'est super. OK. Tant mieux, on les aime, tes chroniques. OK. Bon, par quoi est-ce qu'on commence? Le Floribel Station Touristique. C'est une petite station qui offre des paysages assez diversifiés, des collines, des lacs, des îles. Le sentier de l'Érablière peut même mener à croiser des lièvres. Des petits lièvres? Oh, et des chevreuils. Oh. Fait que c'est comme Bambi et Pampan. Et Pampan? C'est le petit lapin dans Bambi. C'est Bambi. Ah, tu es moqué. C'est oui. Pimpin et Pompon sont de Pimpin, Pimpin, Pompon. J'avais cette toune là dans la tête en fin de semaine. Hein? Je regarde mon frère, je sais pas pourquoi, mais j'ai la toune de Pimpon dans la tête. C'est ridicule. Oui, vraiment. Pour les amateurs de raquettes, il y a 8,5 de sentiers intermédiaires, en plus du hors-piste qui est disponible sur tout le territoire. Et pour les marcheurs intermédiaires encore, on a 2,5 km de disponibles. C'est ouvert tout l'hiver de 8h le matin à minuit le soir. C'est 5$ pour accéder au site et environ une demi-heure de l'université. Pour plus de renseignements, www.floribel.com. Voilà. C'est merveilleux. Est-ce que tu as encore ta clé USB avec toi? Ah oui. Merci. Juste comme ça, là. C'était une scène. Oui, ben oui. Merci, super. C'est ça. Donc, après ça, parc de l'île Melville. Ce que je savais pas, il y a comme deux secteurs. Il y a le secteur parc et le secteur des chutes. On va commencer par le secteur parc. Les deux, en fond, c'est comme à même place, mais ils sont distincts. C'est 120 000. Ben, en fait, le parc de l'île Melville, il y a l'île Melville puis l'île Banane. Ah, OK. Mais c'est comme des secteurs, c'est comme coupé, là, en tout cas. J'imagine qu'en se rendant au www.illemelville.com, on peut s'informer un peu plus. Donc, c'est ça, c'est situé proche du centre-ville de Shawinigan et entouré par la rivière Saint-Maurice. En étant des îles, c'est entouré par de l'eau. Le secteur nord, il comprend un enclos avec une trentaine de serres de Virginie en milieu naturel. Donc, si vous êtes des enfants, des fois, c'est le fun d'aller voir ça. Ou si vous êtes un enfant de cœur. Ah, comme moi. Ben, je pense que t'es un enfant en général aussi. Oh, t'es oui, quand un même petit jeune. Peu, un petit peu. Sans que vouloir t'offusquer. C'est correct, j'ai compris. Parle à ma main. Avec la petite face. Je vais le dire au professeur. Bon, je travaillais dans une école en plus, hein. Je peux aller le dire au prof. Tu peux dire à des animaux de ferme aussi, je pense, hein, c'est ça? Il y a juste des vaches. Des vaches. Vous savez pas ce qui m'est arrivé un matin? La maudite vache! Là, c'est loin de vache, ça. On continue. Le secteur sud-ouest, il y a un belvédère qui offre une vue sur le trou du diable, le phénomène géologique et non le petit bar de bière artisanale. Même s'il est très beau aussi. Quoique de là, on doit à peu près le voir, je vous dirais, là, mais on parle plus du phénomène géologique, là, le trou du diable. Le sentier historique des chutes s'étend sur deux secteurs et offre une vue sur les chutes de Shawinigan, qui est encore là, c'est une très belle vue. Cette partie-là du parc de Lille offre 12 km aux amateurs de raquettes intermédiaires débutants. C'était comme pas très clair. En plus du hors-piste qui peut s'effectuer sur une portion du territoire, et il y a aussi 3 km pour les marcheurs débutants. Le secteur des chutes du parc de Lille-Melville permet d'observer une grande quantité d'oiseaux et de végétaux. C'est 8 km aux amateurs de raquettes, en plus du hors-piste qui se pratique sur tout le territoire. Fait que, y a des distinctions à faire. Je pense qu'en arrivant à l'accueil ou en allant sur le site web, on peut avoir un peu plus d'indications. Sinon, pour les deux secteurs, c'est ouvert tout l'hiver, du lever au coucher du soleil. C'est gratuit, situé à une trentaine de minutes de Trois-Rivières. On peut aller www.illemelville.com pour avoir plus d'informations. Parfait, nous reste la vallée Rokanigan. Et ça, j'adore ça, c'est Rock. Ouais, hein? Rokanigan. J'avais jamais entendu parler de ça, je trouvais que ça sonnait bien. C'est dans la région? Ouais. C'est comme... à côté du parc de l'Île-Melville. C'est 10 minutes plus loin. C'est plus proche de grand-mère. C'est la première fois que j'entends ça. Ben, moi aussi. Grand-mère, c'est pas très mais rock, j'ai trouvé ça quand même. En tout cas, c'est un parc qui offre des petites falaises, des ruisseaux, des glaciers. Si quelqu'un veut m'expliquer ce que c'est. Voilà. C'est des glaciers? Des glaciers. Des glaciers? G-A. G-L-A-C-I-S. Pour moi, ils ont oublié des lettres. J'ai aucune idée de ce que c'est, moi, en fait. On est sûrement très stupide de ne pas savoir, mais quand même. Peut-être, mais il me semble que c'est la première fois que je voyais ce mot-là. Bon. Ce que j'ai pu comprendre, il y a aussi un petit labyrinthe qui nous fait traverser une plantation de pain. Pas pain à manger, mais pain sapin. C'est un parc qui vise plus les amateurs de raquettes, intermédiaires et débutants. Il y a 7 cm de 7 cm. 7 km de sentier en plus du hors-piste. Le champ de sortie, ça, Émilie, hein? Ouais, c'est plus fini. Mon calibre à moi, ça. Ouais, je sais, mais bon. Je voulais te faire plaisir, mais je manque mon. 7 km de sentier en plus du hors-piste qui est accessible sur tout le territoire. C'est ouvert jusqu'au 1er avril de 9h30 à 19h. Non, c'est une joke, ça. Quoi? Ouvert jusqu'au 1er avril, c'est une joke? Non. Non. Drôle. D'accord. OK. 4 $ pour un adulte, 2 $ pour un enfant. C'est environ 40 minutes de l'université. C'est vraiment pas loin du parc de Lille. Là. Ça avait sur une carte, là, je te dirais que t'es pas mal collé. Oh. Mais il était plus proche de grand-mère. Est-ce que t'es à un index ou à un petit doigt? Un petit doigt, à peu près. Ouais. Alors, même pas. C'est proche. Même pas. C'est très proche. C'est assez près, dans le fond, pour être capable de faire les deux dans la même journée. Là. Des fois, faire un petit 2 km, puis aller à l'autre place, faire un autre 1 ou 2 km selon votre... degré d'expérience. Et on peut obtenir la documentation à l'Office du tourisme de la Mauricie et au www.rokanigan.com. Rock. Rock on. Rokanigan. Ouais. Pour terminer, petit rappel sur le défi nordique que tu vas couvrir la semaine prochaine, c'est les 5 et 6 mars. Oui, 5 et 6 mars proche. Marche. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 1er mars, donc si vous voulez vous inscrire, il n'est pas trop tard. Moi, je vais être sur place le dimanche, le 6, pour faire un petit compte-rendu et vous faire regretter de ne pas vous être inscrit. C'est ça. Et pour dire bonjour aux fans, évidemment, aux nombreux fans qui vont aller là juste pour toi. Là. Ben oui. Ben j'aimerais ça. Ben oui. Je trouverais ça drôle. Est-ce que tu veux rappeler l'endroit? C'est le Parc national de la Mauricie. À l'entrée, c'était... Pas Saint-Mathieu-du-Parc, l'autre. Ah! Celle-là, là, tu sais. Celle-là. J'ai un blanc. Okay. Ben, allez voir sur ma chronique, pas la semaine passée, l'autre d'avant, j'en parlais. D'accord. Voilà. Puis, petite suggestion pour le relâche, étant donné que j'ai pas plus à faire. Là. Oh! Si vous voulez des suggestions d'activités, il y a le site internet du tourisme Mauricie, ou bien vous pouvez vous rendre au centre-ville, là, proche du Baileys, il y a un centre touristique. Oui, le gros point d'interrogation qui est. Le gros point d'interrogation. Il y a des flèches sur l'asphalte et tout, là, pour vous dire. Flèches sur l'asphalte, il y a des pancartes pour me dire comment s'y rendre. Il y a vraiment beaucoup d'informations intéressantes. Quand j'ai commencé ma chronique il y a 2 ans, c'était là que j'allais chercher la plupart de mes informations. Là, sont là pour répondre. Puis sinon, c'est classé par plein air, gastronomie, tout ça. Fait que c'est quand même assez facile d'aller fouiller là-bas. Donc, si vous voulez des suggestions, mais c'est intéressant. Est-ce que je me trompe ou toi, tu n'auras pas de relâche? Non, j'ai pas de relâche. Ah, oh, c'est fun de le rappeler. Hein. Non, j'en ai pas. C'est pour ça que je vais être encore avec vous la semaine prochaine. Sinon, je serai pas là. Ben oui. Tout pour nous lâcher, c'est ça que tu veux dire? Sinon, j'aurais fait un road trip, je sais pas, mais non. Je serais allée faire de la randonnée aux États, mais non. Pas de plein air pour Émilie. Pas de plein air pour Émilie. Tu ne fais qu'en parler, tu peux pas en faire. Exactement. C'est dommage, hein? Ouais, c'est la vie. On te retrouve la semaine prochaine, mardi à 8h. Oui. Pour l'autre collègue, veux-tu sortir avec moi? Pendant la semaine de relâche. Pendant la semaine de relâche, pendant qu'il va y avoir personne. Tu vas être seul. À l'université. On va t'ouvrir la porte, je pense que ça va peut-être être barré. Non, je pense que pas. C'est par les vacances de Noël. Donc, bye. Merci. Bye. Bye. À bientôt. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Ben, en plus, il y en a une qui est bonne, c'est le président ougandais qui veut sortir un album de rap. Oh yeah, ben on l'encourage. Faites l'amour et pas la guerre. Exactement. Président de l'Ouganda depuis 1986, donc ne doit pas être si jeune. Hein? Non. Yoweri Museveni rêve aujourd'hui de paillettes et de bling-bling, donc et puis de gravir. Yes, salut Antoine. De gravir le podium, bien sûr, des palmarès. Oui, ben on lui souhaite, sauf que on sait que en général l'argent ne compense pas nécessairement pour le manque de talent là. On nous dit qu'à 67 ans, l'homme a récemment joué un morceau de rap, ok, qui a été très apprécié par le public et puis ravi de la réaction des jeunes face à ce morceau de musique. Moi, je pense qu'il riait un peu de lui, peut-être. D'après moi, oui, sauf en tout cas, l'homme envisage aujourd'hui de sortir un album. Ben, dans le fond, je veux dire, tout le monde a le droit de concourir à ce rêve-là. Peut-être qu'il a toujours voulu être artiste, cet homme-là, et puis que là, il se décide de se laisser aller. Ouais, puis bon, si tous les gens qui veulent être artistes, qui réussissent pas leur shot, deviennent dictateurs, on va vivre dans un monde assez moche, merci. Mais si, à l'inverse... Tous les dictateurs deviendraient des artistes. Ah, et là, les hommes vivraient d'amour, il n'y aurait plus de misère. Mais nous serons morts, mon frère. Non. J'espère que non. Mais non, bon. Nous serons troubadours. OK. Surnommé M7, il s'appelle M7. C'est son nom de rappeur, ben de oui. MC. Comme 50 Cent, là, mais lui, c'est M7, en tout cas. Yoweri Museveni a chanté deux chants folkloriques pour enfants de son lieu de naissance dans l'ouest de l'Ouganda lors de rassemblements électoraux, lors desquels il a également prononcé quelques discours. Ses élocutions ont ensuite été mélangées à des morceaux de rap et de hip-hop par des producteurs de musique afin que le président s'adresse directement au public, donc à la façon rap. Dans le fond, c'est ses propos qui ont été remixés. OK, non, c'est pas lui qui a rappé directement. Ben là, je suis un peu déçu. Moi aussi, mais gars, il veut faire un album. Ah, mais s'il veut faire un album, c'est que ça l'a encouragé. Tout à fait. Aujourd'hui, ces jeunes, je le cite, m'ont appris ce qu'était le rap. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Eh bien, maintenant, je peux moi-même vous faire quelques morceaux de rap, explique l'homme politique. C'est quand même assez drôle, merci. En fait, je trouve que ça a tout à fait sa place au dîner de con, mais je suis pas certain que ça ait sa place sur le marché de la musique. Et ni sur le palmarès de C'est fou. Ben, on va voir, on va écouter ce qu'il fait avant de le juger. Ça, c'est sûr. Comme pour me remercier, la jeunesse de lui prêter attention, le président ougandais leur a fait remettre des poèmes classiques écrits avant le colonialisme. Et Museveni pourrait gagner les prochaines élections présidentielles qui se déroulent ce week-end. Cet intermède politique musicale lui a apporté de la sympathie du grand public, et ce même si l'opposition dénonce un scrutin truqué. Ben là. Hein? C'est plus important le rap et les bling-bling que les scrutins, là, quand même. Ben là, je m'excuse, là, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus intéressant que ce superficiel monde de hip-hop? En fait, mais je veux pas, par exemple, identifier les gens qui participent à cette culture-là comme étant nécessairement superficiels, mais on sait qu'aux États-Unis, ça l'est énormément. On a juste à regarder le mouvement, le 50 Cent, Eminem, le mainstream. Ouais, la pop hip-hop. Là, ouais, exactement. Sens, ça véhicule des valeurs que je désapprouve. Et oui. Ben, on va changer de registre. Oui. On va aller vers... on nous pose la question, êtes-vous un fan du Monopoly? Du Monopoly? Non, moi, je suis un fan du Poly-Poly. Ah, c'est quoi? T'as le Monopoly, puis là, t'as le Poly-Poly. Hein? À plusieurs. Exactement. OK, mais en tout cas, attendez-vous au pire. Je sais pas, le titre m'a accroché, mais j'ai pas lu. On va aller voir de quoi ça nous parle. On nous dit, on a tous passé des heures à jouer au Monopoly, à essayer de faire fortune dans l'immobilier. À essayer de finir une game. À entasser, oui, ça aussi. Et pas sans se chicaner, surtout. Oui, exactement. Parce que ça amène la bisbille, le Monopoly. Et à entasser des liesses de billets et à rêver d'être propriétaire, bien sûr, de rue célèbre, hein, on le sait, c'est toujours des grands endroits intéressants. Oui. Alors, nous voilà avec le nouveau Monopoly, incluant un ordinateur parlant, qui vient de faire son apparition. Il s'appelle Monopoly Live et a été présenté au Toy Fair à New York par le fabricant Hasbro. Imaginez qu'il n'y a plus de dés. Ah, même plus de dés, non, rien du tout. C'est l'ordinateur au centre du jeu qui lance les dés pour vous. Il n'y a plus de cartes non plus. C'est l'ordinateur qui vous lit le contenu. Oh. Mais moi, je pense que non. Mais je pense que ça marchera pas dans la mesure où est-ce que, première des choses, t'aimes ça avoir ta carte. Ouais, c'est quoi? T'aimes ça dire que c'est toi qui vas runner les dés. Là, que ça soit un genre d'algorithme d'aléatoire dans un ordinateur, me semble que c'est... Ouais. S'ils décident que c'est le joueur 1 qui gagne l'ordi, c'est le joueur 1 qui gagne. Exactement. Il peut avoir un défaut de conception à quelque part sans qu'on le soupçonne qui fait exact. Que le joueur 1 gagne une fois sur 50 de plus souvent exact. Que les autres ou quelque chose comme donc, ça. Donc, ça change la donne de la fin. Mais bon, on va voir. Donc, fini les billets qu'on avait du mal à classer sur la table. Nous voilà maintenant avec seulement une carte bancaire. Carte de guichet. OK. C'est avec ça que tu roules. Et bien sûr, l'ordinateur qui est le banquier. Ça, c'est bien parce qu'il n'y a pas notre ami qui peut essayer de s'en mettre dans les poches. Parce que ça, des fois, ça arrive aussi. Oui, ça arrive aussi. En plus, il paraît qu'on ne peut plus tricher avec lui. Ça, c'est normal. Ça, c'est clair. Sauf que l'ordinateur peut être mal programmé avec ses algorithmes, je trouve. Oui, puis j'imagine que si ça vient avec un jeu de société, ce ne sera pas un super calculateur capable là, comme Deep Blue là, de battre un champion d'échecs. Je pense pas, non. Hein, parce qu'on ne vendra quand même pas le jeu 400$. Exactement. En plus, ben c'est ça, on nous dit que la nouvelle version devrait scotcher la clientèle des geeks et les enfants de la génération informatique. Tant mieux pour eux. Mais vous, que pensez-vous de cette nouvelle version du Monopoly? Eh bien, on l'a dit. Hein, moi, j'ai des doutes, des réserves. Ben, moi, j'aime bien, avec la carte bancaire, il y avait ça depuis quelques années. Oui, ça, c'était bien. Une belle initiative, mais je pense qu'on aurait peut-être dû s'arrêter là. S'arrêter là, mais là, bon, non. On veut toujours un peu aller plus loin. Oui, on sait que les jeux de société et les jeux de construction, comme par exemple les Lego et les blocs de construction, perdent du terrain par rapport aux jeux vidéo depuis plusieurs années. Les jeux vidéo, qui est une industrie qui est vraiment florissante, ça marche, qui a littéralement dépassé l'industrie du cinéma, qui est contre toute attente. Rien de moins. Rien de moins. On change maintenant complètement de sujet. On va passer du Monopoly au préservatif. Ah ben pourquoi pas? Ben ça peut arriver, hein, des fois. Ben, je veux dire... Après une game de Monopoly. Après une game de Monopoly, l'amour. Ben, après ça, être chicané, on se réconcilie. Exactement. Donc, ils volent plus de 725 000 préservatifs. Ça se passe en Malaisie. C'est la police qui a arrêté 3 suspects impliqués dans le vol de presque de 700... trois quarts de millions de préservatifs. Toujours introuvables. Et le chef de la police locale, Mohamed Choukri Dalan, a indiqué que ce travail avait été effectué de l'intérieur. Les suspects travaillaient pour la société de transport responsable de la livraison des produits depuis l'usine jusqu'au port, qui devait ensuite être acheminé jusqu'au Japon. L'une des plus grosses sociétés de préservatifs au Japon, Sagami Rubber Industry Co., a déclaré avoir subi le vol de 85 000 boîtes de préservatifs ultra fins. Les suspects espéraient vendre leur marchandise d'une valeur de 1,5 million de dollars sur le territoire malaisien, sans succès. Donc, selon la police, après avoir interrogé les suspects, nous avons toutes les raisons de croire qu'il s'agissait de l'œuvre d'une mafia internationale, a expliqué le chef de la police locale. La mafia du préservatif. En fait, moi, je suspecte que ce soit les ninjas du pape Palpatine Benoît XVI qui a été envoyé en mission spéciale pour contre la procréation. Exactement. Dans le fond, on essaye d'abolir ce crime qu'est la préservation. On cherche nos mots. Oui, ben c'est des choses qui arrivent ici au dîner de cons. C'est ce qui fait de nous les cons. En attendant qu'on ait retrouvé le langage parlé, on pourrait toujours aller écouter du langage musical en attendant qu'on retrouve notre langage parlé. Qu'est-ce que t'en penses, Ben ça serait peut-être pas une mauvaise idée. On va aller voir ça. De toute façon, je voulais juste faire des blagues sur Benoît XVI. J'avais mais pas on voulait juste dire, dans le fond, là, que l'Église veut qu'on procrée. finalement. Exactement. Mais là, avec les condoms, ils ont saisi, donc on ne pourra plus se protéger, mais on va encore le goût de baiser. Donc, on va plus procréer. Exactement. C'est une initiative de nos gens d'église adorés afin de nous faire faire plus de bébés. Mais voilà, exactement. Tout à fait. Donc, peu importe le mot, l'important, c'est le propos. Vous êtes dans le dîner de cons. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Ah, pourquoi est-ce qu'on se torture autant l'un l'autre, François et moi? Oh, je sais pas, il est trop de bonheur. Trop de bonheur encore. Commençons avec un fait sur... en fait, pour commencer, c'est un fait, hein, vous le saurez, c'est la chronique des choses véridiques et véritables et vérifiables, etc. Hein, si on le savait. Toute la... C'est « fais ce que tu veux avec ça », mettons, qu'on pourrait dire. Ça. Genre, si on pouvait faire une phrase avec le mot « fait » dedans. Hein? Mm-hmm. OK. Donc, la mousse de nombril, François, devine de quoi c'est composé. Tu vas peut-être deviner, hein, ça pourrait être... Ben, du lin. Ouais, ouais, OK. Je sais pas. C'est entre autres, oui, des fibres de vêtements mélangées avec des cellules de peau mortes et des poils corporels. Tout ça, ça ramasse là-dedans. Tout au milieu du nombril, hein? C'est au milieu du corps. Hein, c'est chic. C'est chic à mort. Vive les gens qui collectionnent ça. Hein? C'est un genre. Ça existe-tu? Je sais pas. J'imagine que tout existe dans la vie. Selon un sondage par Just Born, la personne moyenne mange 743 marshmallow peeps dans sa vie. Là, tu me demandes, mais c'est quoi des marshmallow peeps? Ben, les guimauves. C'est bien deviné. Des petites guimauves, là, c'est des genres de petits bonbons. Là. Si tu tapes sur Google Images, là, tu vas voir les photos tout de suite de ce que c'est des marshmallow peeps. Là. C'est des genres de petits de trucs au sucre, là, vraiment colorés avec de la guimauve à l'intérieur. Là. Des petits poussins, genre, comment t'appelles ça? Là. Il y en a des roses, des jaunes, des trucs comme ça. Hein? Donc, en tout, dans la vie, la personne moyenne, 743 marshmallow peeps dans sa vie. Toi, t'en manges beaucoup? Jamais? T'as un petit peu, je me... OK, ouais. Non, je mange pas... Je suis pas un grand amateur de guimauve. De guimauve, non, moi non plus. Mais j'aime bien les s'mores, par exemple. Les s'mores? Les s'mores. Ils en faisaient en barre de chocolat il y a quelques temps. C'est biscuit Graham, chocolat guimauve. Tu mets ça sur le feu, d'habitude. Non, oh, OK. Tu manges ça. Les Américains sont vraiment des amateurs de ça. Il a fait une barre de chocolat qui était un échec total au Canada, puis ça a été retiré du marché, mais j'adorais ça. C'était très, très bon. Monsieur Graham, chocolat guimauve. Ils vendent même des kits à l'épicerie avec des bâtons fournis. Ouais, ça j'ai vu. Ça j'ai vu. Ouais. C'est le fun! Mais c'est pas des marshmallow peeps. Bon. Et on sait pas combien les gens mangent de s'mores dans leur année. En 2005, une statue de Samantha Stevens de ma sorcière bien-aimée Bewitched a été révélée à Salem, au Massachusetts. Tu sais, Salem, la chasse aux sorcières, etc. Mm-hmm. Tu sais, ma sorcière bien-aimée, Samantha Stevens. Ish. Et Colin, hein. 2005, ça. La porte, tu sais, la porte qui tourne, tourniquette, là, tu sais. La porte d'André, là. Ouais, c'est ça, tu rentres puis tu pousses la porte, etc., etc. Ça a été inventé parce que ça a plusieurs avantages par rapport aux portes traditionnelles avec peinture. Y a des rumeurs qui voulaient que c'était pour empêcher les chevaux d'entrer dans les bâtisses. C'est complètement faux, c'est pas pour ça que ça a été inventé. En 1988, la porte, comment on pourrait appeler ça, porte tournante? Ouais, je pense que oui. Pour les bâtisses, là, a été inventé par un homme de Philadelphie, Theophilus Van Cannel. Hein? Son entrée serait devenue très rapidement l'entrée commune là, pour la plupart des gratte-ciels des grandes bâtisses pour sa supériorité par rapport aux portes à peinture. Les portes tournantes donc servent à empêcher l'air froid d'entrer. Donc, ça aide à coûter moins cher de chauffage pour les propriétaires des bâtisses. Ça aide aussi à mettre la bâtisse à l'épreuve du son, si on veut. Donc, ça empêche le bruit de la rue, les voitures. Hein. T'entends beaucoup moins les voitures avec ce genre de porte-là. Et ça élimine aussi, par le fait même, et au contraire, les bruits des portes qui claquent. Tu sais, les portes qui arrêtent pas de claquer dans des bâtisses, là, ben, ça empêche ça. Ça réduit aussi la possibilité de collision entre les gens qui entrent et qui sortent, hein, parce que c'est un seul par compartiment dans cette porte-là. Un autre bénéfice aussi dans les gratte-ciels et les autres grandes bâtisses, c'est que la différence de pression d'air causée par l'air chaud ça empêche de rendre la porte difficile à ouvrir. Apparemment, qu'il y a des fois, la porte est plus difficile à ouvrir ça quand il y a empêche. De l'air chaud. Attends un peu, je relis. La différence entre la pression d'air causée par beaucoup d'air chaud À l'intérieur, c'est ça. Ce qui fait que ça rend la porte plus facile à ouvrir. J'sais donc ça l'aide. C'est ça, c'est plus facile à ouvrir qu'une porte que t'aurais à tirer dessus à cause de la différence de pression d'air. Eh bien, en 1889, Van Cannon, ça c'est l'inventeur de la porte tournante, donc, a reçu la John Scott Medal de la ville de Philadelphie pour l'utilité de son invention à la société. Eh bien. Cool! Cool. T'as peut-être entendu des rumeurs ou des mythes voulant qu'une femme, dans sa vie, avalait en moyenne 6 livres de rouge à lèvres pendant sa vie. Oh, 10 livres, on entend souvent ce chiffre-là. C'est un fait qui est complètement faux. Dans ce cas-ci. Non seulement les femmes mangent vraiment pas autant que ça, mais alors, je vais vous l'expliquer. Regardez ça. Pas le poids. Le nombre. En tout cas, j'ai de la misère à dire ce mot-là. Le poids de du rouge à lèvres, le genre que t'avales n'est pas ça du tout. Bon. Je sais même pas où je m'en vais avec ça. On dit souvent entre 3 et 10 livres dans les faits. Mais bon, quand on y pense, l'idée qu'une femme consomme des livres de rouge à lèvres est complètement absurde. Parce qu'un tube de rouge à lèvres pèse environ 3 grammes, ce qui fait 151,2 tubes par livre. Donc, pour qu'une femme consomme 3 livres de poids de rouge à lèvres, ça prendrait 454 tubes. Et pour 10 livres, ce serait 1512 tubes au complet. Là, on parle. Ouais, c'est ça, les manger au complet. Oui, oui, les licher, les croquer, les avaler, etc., etc. Donc, ça demanderait, pour consommer entre 3 et 10 livres, ça demanderait 186 140 à 619 920 les applications de rouge à lèvres juste pour réussir à, tu sais, sans le manger, là. Donc, pour s'en mettre sur les lèvres et pour réussir à avaler ça. Ça me lève le cœur juste de penser à croquer là-dedans. Et si tu tartines ça sur 50-50 utilisations de rouge à lèvres, c'est-à-dire entre les âges de 15 et 70 ans, il faudrait que la femme applique entre 9 et 31 fois son rouge à lèvres par jour. Et là, on parle de rouge à lèvres complet, là. Pas des traces de laisser sur des verres. Là. C'est l'enlever et le remettre. Il y en a sûrement qui sont obsédés comme ça, mais je ne penserais pas que ça vous arrive. Donc, ce mythe est maintenant busté, comme ils disent dans Mythbusters. Okay. Youpidou! C'était compliqué à lire, celle-là. Les enfants grandissent plus vite au printemps qu'à n'importe quel autre moment de l'année. Les enfants ne grandissent pas de façon constante, ça, je pense qu'on peut le comprendre. Mais comme on s'en souvient peut-être pas de notre enfance nous-mêmes, mais peut-être que nos parents s'en rappellent, les enfants passent des semaines ou des mois à grandir très, très tranquillement et occasionnellement, ils ont... Choup. C'est ça, une poussée, comme on appelle. Une poussée de... Tu sais, bon, de croissance. De croissance, voilà. Ça peut être difficile à prédire, ces poussées de croissance-là, mais ça arrive surtout le printemps. On dit que... Pourquoi? Pourquoi le printemps? Est-ce qu'il l'explique? Non, c'est ça, ça explique pas. J'essaie de voir s'il l'explique. Mais ça arrive entre 8 et 13 ans pour la plupart des filles et les poussées de croissance arrivent entre 10 et 15 ans pour la plupart des garçons. Et puis, évidemment, la plus grande poussée de croissance, c'est pendant la première année de ta vie. Tu peux t'attendre à ce qu'un bébé grandisse d'environ 10 pouces avant son premier anniversaire, François. Yeah. Ouais, mais ça dit pas pourquoi c'est au printemps. J'aurais aimé avoir l'explication. Ouais, c'est spécial. J'aurais pensé l'été. Je sais pas pourquoi, parce qu'il fait chaud, le soleil. Là. Je sais pas. Peut-être ça aurait eu du sens. On parlait tantôt de la composition de la mousse de nombril. Tu t'en rappelles? C'était là comme 3 minutes. Ce qui est, tu te demandes de quoi c'est fait la cire d'oreille, peut-être aussi. Ouais, vas-y donc. De la peau morte. C'est juste ça? Pas mal. Ben, ça dit c'est surtout de la peau morte. Surtout. En grande partie. Donc, la cire d'oreille est formée par des glandes de cire dans l'extérieur. Ça parle de termes super techniques d'oreille. Le canal extérieur de l'oreille, mettons, quelque chose de genre. Et c'est aussi composé de sueur, d'huile, okay, et d'une protéine qu'on appelle la kératine, qui est un dérivé de la peau morte. Bon, il y a deux types principaux de cire d'oreille. On dit la cire humide et la cire sèche. La cire sèche est surtout commune en Asie, alors que la cire humide est plus commune en Europe et dans l'Ouest, donc ici. La cire d'oreille est quelque chose de compliqué quand même. Si t'en as trop, ça peut être difficile d'entendre et t'as plus de risques d'infection. Mais si t'en as trop peu de cire d'oreille, tu augmentes aussi ton risque d'infection. Donc si t'en as trop, c'est des risques. C'est pas bon. Et c'est pas bon non plus de pas en avoir assez. Donc il faut en avoir un juste milieu, un équilibrium de cire d'oreille. J'aurais jamais pensé. Moi non plus. Jamais. Tu connais Jay-Z, le rappeur? Ouais. Jay-Z. Tu te demandais d'où venait son nom, j'imagine, comme tous les rappeurs. Hein? Ben oui. Pas vraiment. Jay-Z, son nom vient des autres rappeurs qui disaient qu'il était Jazzy. Jay-Z, t'es donc bien Jazzy. Ah. Jazzy, tu sais quoi. Il y avait des rumeurs avant ça qui disaient que Sean Carter, ça c'est le vrai nom de Jay-Z, hein, Sean Carter, avait eu son nom à cause des lignes de métro J et Z près de sa maison à Brooklyn. Mais non, c'est faux parce que la ligne Z n'a pas été ajoutée avant 1988 et Carter avait déjà terminé le secondaire. Alors que son nom, il l'avait déjà. Et puis, donc, c'est ça, le nom, ça vient de Jazzy. Eh bien, c'est quelque chose. Il m'en reste deux. Évidemment, je ne te demande pas lesquels faire. Je vais faire les deux parce que tu ne veux jamais choisir. La force de 5 personnes qui te pousseraient dans une foule, OK, serait assez pour briser ton poumon. Genre pour comme peser trop fort sur le poumon, t'empêcher de respirer, te faire mourir. Juste te peser dans le dos, eux autres, mettons, 5 personnes qui te poussent dans le dos. C'est ça. Donc, c'est pas le briser, mais c'est vraiment comme plus t'empêcher de respirer, si on veut. Donc, c'est la façon que la plupart des gens meurent dans des dans ce genre d'événements-là. On s'attendrait à ce que ce soit parce que, bon, je sais pas, ils te pilent dessus, puis je sais pas. Piétiner, on entend souvent piétiner, ça, dans les spectacles ou dans les gros événements. Le Boxing Day, je pense, chez Walmart. Oui, exactement. Mais non, c'est surtout à cause de l'incapacité de respirer dans ce genre de cas-là qui fait que la plupart des gens meurent. Donc, la meilleure façon d'éviter cette situation-là, c'est d'éviter les foules qui ne sont pas supervisées, qui pourraient rapidement devenir problématiques. Si t'es assez malchanceux pour rentrer dans un groupe-là et pas savoir que ça va devenir hors de contrôle graduellement. Donc, on dit de se tasser sur le côté ou vers l'arrière. Et généralement, environ 4 personnes par mètre carré serait le bon chiffre, le chiffre magique où tout irait bien. Au-dessus de 4, donc 5 personnes ou plus par mètre carré, pourrait se développer en une situation dangereuse. C'est ce qu'on nous dit sur Internet. Ah ben! Eh ben, un poumon, comment dire, faisait sur un poumon. Trois personnes qui payent sur un poumon. Mais ça doit tellement être une mort atroce ben dans oui. une foule. Tellement. Aidez-moi personne, plaque, bouche. Ça doit être fou, là. Ça, c'est fini. Ah! On connaît le terme, c'est le dernier fait pour aujourd'hui, on connaît le terme déjà vu, mm-hmm. comme tu vis quelque chose, tu as l'impression de l'avoir déjà vécu avant, une impression de familiarité avec une expérience qui n'est pas familière en tant que telle. Il y a un contraire à ça, j'avais jamais entendu, c'est un jamais vu. Quand une personne, temporairement, ne peut pas se rappeler de quelque chose qu'ils connaissent bien. Ah, OK. Ah, d'accord. Un exemple de ce phénomène-là serait quand quelqu'un ne peut plus se rappeler d'un mot très très commun. Tu sais, bah, okay, mais c'est quoi déjà le mot? C'est quoi déjà? C'est un jamais vu. Il y a un terme pour ça, bizarre. Il y a aussi une phrase qui est utilisée pour décrire le sentiment qu'on a quand quelque chose est au bout de la langue. Parce que là, moi, j'avais l'impression que le jamais vu, c'est un peu ça, le bout de la langue. Mais ça, c'est quand tu peux juste pas te souvenir du tout d'un mot qui est, dans le fond, super évident. Un presque vu est la prochaine expression. Ça, c'est quand c'est vraiment sur le bout de ta langue. Tu sais, là, tu t'en rappelles très bien du mot. Tu sais, c'est quoi? Mais ton cerveau est pas capable de le remettre sur ta langue pour le dire. Ça, c'est un presque vu. Eh ben. Presque vu, jamais vu, déjà vu. Trompez-vous en les utilisant. Mais maintenant, vous savez ce que c'est quand même. Bon. Exactement. C'est dur de mettre le mot sur un jamais vu ou un presque vu. En même temps, quand tu y penses, non, c'est pas si difficile que ça. Mais un jamais vu, c'est spécial. Quand tu t'en rappelles pas du tout. Du tout. Il est même pas sur le bout de ta langue, non, il est pas là ça. Du tout. Ça doit être, je sais pas. Ça m'est pas arrivé souvent. Non, moi non plus. Je pourrais pas te dire que ça m'est déjà arrivé. Même. Mais les déjà vus, c'est assez bizarre. Oui, ça, c'est même le fun. Ouais, c'est pas déplaisant. Ouais. C'est questionnable, là. Ouais. T'as vraiment l'impression de l'avoir déjà vécu. Mm-hmm. Ah. Là, tu te dis, ah, c'est dans une autre vie. Non, c'est ton cerveau qui joue des tours, là. Ouais, hein? ouais. En tout cas, à mon opinion. C'est tout pour la chronique, c'est un fait pour aujourd'hui. Il y en aura une autre bientôt. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. L'horoscope avec Monsieur Rémy. Hein? Ben c'est ça, c'est l'horoscope avec Monsieur Rémy. Alors bonjour Monsieur Rémy. Bonjour. De ta sagesse, je te salue. Je vous salue aussi, messieurs, aujourd'hui. Ça va bien, Charles-André? Ça va bien, Danny? Ça va tout à fait bien. C'est-tu une fausse réponse ou une vraie réponse? Ben, en fait, je voulais simplement que l'auditeur voit qu'on aille bien ou pas. L'horoscope est toujours là pour nous aider, nous donner un coup de main dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit. Merci. Et pour exposer ma vie privée aux auditeurs. Oui, on se rappelle la semaine dernière, on a entendu parler de beaucoup de tes rêves. C'était fort intéressant, mais j'ai voulu changer un peu et revenir à ce qu'on appelle... J'ai eu peur un peu. J'ai été moi-même intimidé par mon propre horoscope. Écoutez, j'ai décidé d'aller vers un horoscope plus traditionnel. Et je parle pas nécessairement avec du vinaigre et du sel poivre dedans comme la salade comme de chou, la traditionnelle. Mais plutôt de l'horoscope traditionnel. Ni non plus avec du violon. Du violon et des ceintures fléchées non plus. Mais bien l'horoscope chinois. Alors on s'éloigne des ceintures fléchées. Quoi qu'ils avaient des flèches à l'occasion, mais c'était pas leur ceinture qui avait plutôt des flèches. Chapeau pointu. Chapeau pointu, oui. Et souliers de ballerine. Oui. Et effectivement, les Chinois, on sait qu'ils ont un horoscope qui est bien connu, mais souvent méconnu tout de même. Alors évidemment, une fois de plus, je suis là pour démystifier la chose, messieurs, ici même en ondes sur les ondes. Il me semble que c'est pas précis. Les autres, ils fonctionnent par année. Hein. Ils fonctionnent par année. Alors, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'horoscope chinois, quand t'es en troisième année au primaire, c'est assez bon pour tout le monde. Donc, c'est un prof à chaque année et au début de l'année pourrait ouvrir son livre d'horoscope chinois comme moi je fais aujourd'hui et déjà se faire une bonne idée à peu près de il va y avoir maximum peut-être un 2 ou 3 signes s'il y en a qui ont doublé une année ou deux. Mais l'important vraiment avec l'horoscope, c'est de faire attention si on est né en janvier ou en février. Alors, en fait, l'horoscope fonctionne avec les années. C'est un cycle de 12. Alors, le chiffre 12 en horoscope revient fréquemment, que ce soit chez les Mayas ou dans l'astrologie traditionnelle, comme la Chine. La Chine nous envoie donc 12 signes. Cette astrologie comprend 12 signes qui ont en fait chacun un animal totem, 12 animaux. Elle fut installée par Bouddha il y a déjà plusieurs siècles pour représenter les années. Donc, on y va par année. Donc, on parle réellement d'un cycle de 365 jours approximatif. Et évidemment, on y retrouve les animaux suivants. Le rat, le bœuf, le tigre, le chat, le dragon, le serpent, le cheval, le singe, le mouton, le coq, le chien et le cochon. Alors évidemment, si on est dragon, on est comme plus content que si on est chien. Mais ça veut rien dire en réalité parce que c'est sur la personnalité. Évidemment, c'est des animaux totems qui étaient connus en Chine à l'époque où Bouddha les avait insérés. À tous les 12 ans, la boucle se referme et le cycle recommence. Pour savoir à quel animal nous appartenons, il faut vérifier avec notre année de naissance. Alors là, j'aurais un calendrier chinois dans mon livre ici, mais je vous invite, messieurs, à me dire votre année de naissance en ondes. Est-ce que c'est quelque chose? Ben oui, mais je peux. Mais moi, je sais déjà mon signe, mais je peux te le dire. OK, on va y aller comme ça tout de même. Vas-y donc, Danny. Ben, 1973. T'es né en 1973. Ouais, ça me rajeunit pas. Et t'es né à quel moment en 73? En janvier? En décembre. En décembre. Alors donc, on va chercher... t'es un bœuf, évidemment. Exact. Alors, Danny, qui est un bœuf, mesdames et messieurs, attention. Face de bœuf. Donc, le bœuf, qui est pas nécessairement avec la physionomie de la personne, mais bien avec son attitude dans la vie de tous les jours, donc sa façon, son comportement. Vous êtes surtout fort, ambitieux, déterminé, organisé, original et travailleur. Alors que, par contre, vous êtes parfois jaloux, violent, commandeur, entêté, même à l'occasion, passif. Oh, oui. Alors, évidemment, juste, on sait que le bœuf a ces caractéristiques-là, c'est tout à fait connu. Et évidemment, ça revient aux 12 ans. Donc, quelqu'un qui serait 12 ans plus jeune ou 12 ans plus vieux que toi aurait ces mêmes caractères types-là, selon les Chinois, selon Bouddha principalement. Donc, la personnalité du bœuf, par exemple, si on parle du caractère général des natifs du bœuf, on ne peut se passer de dire qu'ils sont avant tout des travailleurs acharnés et infatigables. Le dîner de con est un exemple. Oh. Ils s'arment de patience et de précision pour accomplir leurs besognes. Ils ne sont pas de ceux qui abdiquent avant la fin. Leur orgueil a un degré très élevé. Les poussent à ne pas perdre la face devant les autres. Ils ont une fierté d'eux-mêmes et de tout ce qu'ils entreprennent. Bon, je pourrais continuer longtemps avec ta personnalité type. On sait que la personnalité du bœuf est différente de la madame ou du monsieur. Alors, est-ce que ce soit un homme ou une femme, on n'aura pas toujours les mêmes traits, dépendamment du sexe de la personne. Mais on peut aussi aller se diriger vers, évidemment, les liens en chance, en amour, en argent, en santé, en relations familiales, dans la société, comme on veut. Et aussi, on parle souvent de l'avenir avec l'horoscope. C'est un peu le but. Les gens s'intéressent à l'horoscope. Ben oui, on veut savoir ce qui va nous arriver. Qu'on tire une ligne du tarot, qu'on étudie ses propres rêves ou qu'on parle de notre horoscope chinois, eh bien, on va toujours lire un peu sur ce qui nous arrive. Eh bien, le bœuf possède avant tout le désir de réussir. Toute son existence sera basée sur cette foi de réussite. Il peut facilement oublier le bonheur, la joie de vivre, les loisirs et toutes les festivités pour s'orienter vers le sommet. Si son choix est irrévocable, il pourra même bousculer les autres sur son passage. Attention, Charles-André, tu pourrais perdre la place en onde au bon soin de Danny Janvier lui-même. Mais ton avenir est entre tes mains, Danny. Si tu le rates, tu seras le seul responsable. Mais tu sais très bien que tu ne rateras pas. Et en fait, on dit que tu as tous les moyens pour y arriver en tant que bœuf. C'est encourageant, au moins. Et même avec l'horoscope chinois, on assume que l'horoscope, que les signes de l'horoscope, je perds mes mots. C'est pas grave. Que les signes de l'horoscope chinois. Pas chinois, justement. Donc, normal. Normal. Zodiac. Le zodiac. Merci beaucoup, Charles-André. Merci, Charles-André. J'étais parti en Chine, là, j'ai oublié complètement l'Occident. On peut les joindre ensemble. Avec. On peut savoir, par exemple, si, exemple, un bœuf serait né Comment bœuf capricorne? Donc, t'es un bœuf capricorne. Alors, tu vois, le bœuf capricorne. Ben, ça dépend avec les nouveaux signes, là, je serais peut-être plus capricorne. Et ça, les nouveaux signes nous font peur, mais il me semble que tu serais encore capricorne, mais je ne pourrais dire à 100%. En fait, tu serais un mix difficile à affronter parce que le bœuf capricorne est considéré comme ayant mauvais caractère. Il est rigide dans tout ce qu'il entreprend. Il n'y a pas une montagne qui lui fera faire un détour. Il possède une volonté de fer et des convictions définitives. C'est pas faux. Hein? C'est pas faux, en effet. Alors imaginons donc qu'on peut réussir à mélanger deux animaux, ou en fait un animal et une espèce de semi-monstre ensemble pour créer notre propre personnalité. Alors, c'est toujours des images qui nous ont aidés à l'époque avec l'astrologie, c'était les étoiles. Mais évidemment, lorsqu'on va chercher les animaux des années chinoises, on est souvent plus près, en fait, d'une... d'une personnalité qui est placée. Donc là, on prend souvent l'exemple du chat. Eh bien, le chat peut être très différent d'un chat à l'autre. On peut avoir, par exemple, un chat siamois, un chat persan, un chat bâtard. Et donc, un chat ou l'autre seront toujours des chats. Généralement, le chat va avoir deux oreilles pointues, les mêmes griffes, le même genre de museau. Un goût similaire avec du ketchup. Alors, tous les chats, évidemment, vont être un chat bien choisi. Mais il y a des styles. C'est ça, exactement. Mais ce que je trouve intéressant de l'horoscope chinois, c'est que pendant un an, tout le monde a le même signe. Ben oui, comme moi, tous mes amis qui sont dans 73, on est tous pareils. Finalement. Et c'est ce qui est curieux, c'est à savoir... On est tous un troupeau de bœufs. Un gros troupeau de bœufs, né en 73. Ouais, les hôpitaux, ils doivent capoter au début de l'année parce que là, ils se disent, bon, cette année, on va avoir une gang de tigres. Des têtes dures. Ben sinon, c'est l'année des serpents, ça va se promener partout entre les jambes. Comme serpent dans l'avion. Oui, ben en fait, je pense que Snake on a plane. Est-ce que c'était bon, ça? J'ai pas vu. Écoute... Se poser la question, c'est d'y répondre. Samuel L. Jackson joue là-dedans, et c'est pas son meilleur rôle. Tu sais, c'est... OK, bon, mais ça dit tout, parce que ça avait quand même eu une grosse couverture médiatique. Mais bon, c'était une parenthèse. Oui. Juste poursuivre avec l'astrologie, la science. On se rappelle que Titanic avait aussi eu une grande couverture médiatique, et pourtant... Écoutez, messieurs, on pourrait continuer comme ça longtemps, mais ce que je trouve intéressant du signe chinois, c'est qu'on n'est pas habitué d'en parler. Que les journaux à potins... C'est toujours le Zodiac qui revient. Excuse-moi là, de t'interrompre, j'aimerais ça savoir, moi, qu'est-ce que je suis aux yeux des Chinois. Oui, bien, tout à fait. En fait, il suffit simplement de faire un voyage en Chine ou sinon de me dire ton année de naissance. 1986. Hein. 1986. Si tu viens en 86, mon cher, il faut que je recherche dans mon calendrier. C'est pas grave, c'est toute une science. Là. Tu me déstabilises beaucoup. Ben, je veux dire... Tu fasses des calculs. Tout parce que quand Rémi vient ici, c'est ma principale source de divination et d'astrologie. C'est sûr pour connaître ton propre avenir. Oui, il y a une autre chose que je voulais savoir, dans les nouveaux signes ou dans les anciens signes, si on compare les deux, auxquels est-ce qu'on doit se fier? Parce que là, il y a deux sources. Il y a nos signes traditionnels, comme par exemple, moi, je serais balance, mais là, avec la nouvelle nomenclature, je serais rendu vierge. Alors, qu'est-ce que je dois lire dans le journal demain matin? En fait, tu n'auras pas le choix de te fier parce que le journal, lui, se fie encore à l'ancien horoscope parce qu'on n'a pas le 13e signe du serpentaire qui est sorti dans le journal. Et moi, ce que je propose aux auditeurs du Dîner de cons et de C'est fou en général, c'est de faire peut-être une pétition. Une pression sociale. Et là, je ne parle pas simplement d'écrire dans votre statut Facebook. Ou une page Facebook, créer un groupe Facebook. Pour l'avancement de la science. Pour l'avancement de la science, mais aussi pour que les gens, les sociétés, les sociétés qui évoluent, on évolue dans le bon sens en ayant notre véritable horoscope le matin. C'est très important, en effet. Mais pour l'instant, comme on est à 12 signes dans l'horoscope du journal de Montréal. On se fie aux signes au signe traditionnel, évidemment. OK, ben ça répond à ma question. Le sage journal de Montréal. Ça fait 3 semaines que j'angoisse à penser à ça. Lis les deux, là, puis tu mélanges, là. Ben non, pas nécessairement. Ben c'est un peu ce que tu nous avais conseillé de faire, entre autres. Mais non, moi, ce que je faisais, c'est que je lisais carrément plus l'horoscope, puis j'essayais de vivre par moi-même, mais là, j'étais impossible. Moi, ce que je fais pour m'aider dans ce cas-là, c'est que je lis les sudokus. Ça m'aide beaucoup. Pour des notions de mathématiques. Ouais, mais en fait, c'est beaucoup. Ça m'aide. Je sais un peu les chiffres que je vais voir dans la journée. Puis là, je me dis, bon, sûrement que ma facture d'épicerie, ça va coûter 63,97. Ah, OK, c'est là. Puis c'est jamais des chiffres qui se répètent. Donc, et 99, ça, j'y crois pas. Vous voyez, moi, je suis resté accroché au sudoku. C'est impossible qu'il y ait deux chiffres qui reviennent. Quand il est 11h11, là, j'angoisse. OK. T'es tigre, Charles-André. Eye of the tigre. Eye of the tiger. En fait, t'as les deux yeux du tigre, un à côté de l'autre, juste au-dessus du nez. Le tigre sera généralement un homme intelligent. Il tiendra son indépendance comme à la prunelle de ses yeux, justement. Difficile à vivre, il vous faudra vous adapter à son rythme. Surtout, ne lui parlez pas de routine et de longues soirées devant la télévision. Ce serait pour vous jouer le mauvais jeu. À la maison, il pourra s'occuper lui-même de ses affaires. Il déteste que l'on tourne trop autour de lui. Il guidera lui-même sa vie sans l'aide de personne. Tu seras généreux, tu auras beaucoup de qualités, mais écoute, j'ai pas le temps de les lire. On est déjà à la fin de ma petite chronique. OK, fait qu'on a lu juste les défauts, là. On lit pas les qualités. Il y avait des belles qualités. Non, je sais, je fais des blagues. Mais écoute, si on y va rapidement, t'es tigre, quoi? C'est quoi ton signe astrologique? Balance, tu me disais. Alors, si on se fie encore à ce signe-là, quand le serpentaire n'est pas rentré encore dans l'ouvrage... À l'âge que je vois ton livre, c'est sûr qu'il n'était pas rentré. Non, les pages sont aussi jaunes que mes dents. Un signe d'harmonie prend naissance en tant que tigre balance. Dans cette association, la balance sera apporter réconfort et sécurité au tigre. Les deux pourront faire très bon ménage. Le tigre balance sera un signe qui recherchera stabilité et bonheur en toutes choses. Les erreurs du tigre seront amoindri par le tempérament de la balance. Ah, ben c'est une bonne chose, tu me vois rassuré. Ben voilà, Charles-André. Je veux dire, quand on entend des propos comme ceux-là provenant d'un homme de science qui pratique une science d'autant plus exacte que celle dont on parle aujourd'hui, c'est vachement rassurant, je vous assure. Écoute, l'horoscope chinois, c'est quelque chose sur lequel il faut s'asseoir longtemps puis y réfléchir, mais surtout sur quelque chose sur lequel il ne faut pas trop se fier nécessairement seul. Donc, je vous invite à le joindre à d'autres types d'horoscopes, comme celui du Zodiac, par exemple, comme on le fait, ou simplement à lire votre sudoku le matin en même temps. Ça vous aide, en fait, à avoir une meilleure idée plus générale, plus globale, parce que, comme il y a beaucoup de gens qui ont le même signe, évidemment, c'est simplement divisé différemment, donc les 12 mois de l'année ou les 12 années dans le cycle chinois. De manière ou de l'autre, on est plusieurs de mon âge qui sont comme moi, un lapin. Alors, je suis lièvre. Mais on invite tous les gens qui ont des questions, de toute façon, à écrire sur la page Facebook du Dîner de Cons. Tu vas leur répondre, oui, Danny. Oui, normalement, j'essaie de... Danny, Rémi, pardon. J'essaie de toujours de surveiller la page Facebook. Et si jamais il y a des questions côté horoscope, je me donne une espèce de devoir... De devoir humain de répondre aux questions pour aider les gens. Ben, c'est science et à la fois, c'est aussi une question d'émotion. Même à travers un écran, on peut toujours trouver moyen d'aider les gens par quelques touches de clavier. C'est très beau, Rémi, merci. C'est d'une grande poésie. Messieurs, ça m'a fait plaisir. On se revoit mardi prochain. Sûr. Même heure, même poste. On t'attend patiemment jusque-là. À partir de quand tu pars, on t'attend. Exactement. C'est bien? Ah. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, Rémi, ça a fait du bien dans ma journée. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Bonjour Maxime le Muller-Amé. Bonjour les athlètes. Bon matin. Salut coach. Ça va bien? Oui. Moi hier, j'ai passé ma soirée avec François-Olivier. Ah ouais, comment ça donc? On avait un petit conseil d'administration. Ah, un cas. Exactement, un cas. Vous avez du plaisir dans votre cas? Tout à fait, mais écoute, je pense qu'on va se revoir bientôt. Ah, c'est ça. On n'aura pas vraiment le choix de se revoir bientôt. Est-ce qu'il n'y a pas eu quorum, c'est ça? Il va falloir le reprendre. Ouais, je comprends bien les insights que vous fabriquez de toutes pièces. C'est ça. Puis en plus, on aurait... C'est drôle qu'on se soit pas vu la semaine dernière en ski aussi. Ouais, ouais, il était au Massif, je lui ai dit passer. Ah, pour vrai? Ouais. François, quand il était en vacances, on avait dit qu'il était en vacances là, à l'émission, il était parti en ski. Là. OK. Ouais. Ouais. En fait, mais on s'est pas vu? Non, c'est ça, on s'est pas vu. Ah, il aurait fallu... je sais pas. Mais avoir su que t'allais là... Comment? Avoir su que t'allais là, écoute, ben j'aurais peut-être porté plus attention aussi. J'aurais pu vous texter un peu, quelque chose. Hein? Ouais, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, là. On s'est vraiment pas vu parce qu'il a été boire la bière aussi après. Ouais? Okay. Non, ça c'est pas vrai. Oh! Oh! Ouais, c'est vrai. Bon, belle petite histoire, là, tranche de vie. C'est super. Ouais. Ah, c'est ça, hein? À un moment donné, vous passez à d'autres choses. Ça n'intéresse pas tout le monde. Non, mais moi, ça m'intéresse. Donc, ouais. Je me mets dans la peau du public cible de l'émission qui est les animaux de compagnie. Pour qui on laisse la radio ouverte. Et les robots. Et les robots. Ouais. Voilà. Donc, Maxime, qui est avec nous pour la chronique Télécharge quoi? Tu nous présentes tes découvertes musicales à chaque semaine, les mercredis matins. Yes. Quoi de neuf? Aujourd'hui, je vais parler de trois artistes, dont le premier, Nicolas Jarre. J-A-A-R. C'est d'où, ça? Ça vient de la région de New York. Oh, c'est okay. Un étudiant de Brown University. Puis il a fait quelques démos, quelques singles. Puis là, il a sorti son premier album, Space is Only Noise, que j'adore. Ça me fait penser un peu, je vous ai déjà parlé de James Blake, un peu du electro lounge noise. En tout cas, je veux pas m'aventurer non plus dans les termes là, de ce genre de musique-là, mais c'est très ambiant. Inquiétez-vous pas, ça va être relax. Là, je commence relax cette semaine. Mais c'est le genre de truc qu'on peut écouter... en mangeant, en prenant une bière avec des amis, en étudiant, tu sais, c'est relax. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Puis, au fur de ma chronique, ça va évoluer en intensité. Ça vous convient? Oui, ben oui. Le pic, ça m'a bien. Mathieu, si tu peux m'aider, je me rappelle pas exactement du titre. C'est Too Many Kids. Too Many Kids. Raining in the Dust. Finding Rain in the Dust. Too Many Kids, Finding Rain in the Dust. Too Many Kids. Je vous conseille aussi Keep Me There comme titre aussi, mais on va écouter Too Many Kids. OK, bon, on y va, c'est parfait. Moi, je suis vraiment content de savoir que, pour une fois, François pose une question, puis Maxime a la réponse. C'était quoi la question? Tantôt, t'avais demandé... Il venait d'où, puis t'avais la réponse. C'était cool. Ah ouais, tu me poses tout le temps des... Puis d'habitude, c'est... Des questions pièces. C'est ça. Là, t'avais la réponse, c'est cool. Yes. Ouais. Vous êtes assemblage requis dans le bloc télécharge, quoi. C'était Nicholas Jar avec, j'essaie de le dire, Too Many Kids Finding Rain in the Dust. Exactement, bravo! Exact. Je me suis pratiqué. T'es bon, Max. C'est arrivé prêt cette semaine. T'es fort. L'album, c'est Space is Only Noise. Alors, vous pouvez trouver ça sur iTunes, partout, sur d'autres sites, mais... Dans tous les bons internets. Dans tous les bons internets. Alors, deuxième groupe dont je veux parler, c'est Galaxy. Anciennement Galaxy 500. Oui, controverse de nom de voiture qui a fait changer parce qu'il y avait un groupe qui s'appelait comme ça, ouais, déjà aux États-Unis, donc ou ailleurs. Mais je pense qu'en fait, si Galaxy québécois s'est appelé Galaxy 500, c'est un peu en hommage au groupe américain. Ah, d'accord, et non pas à une voiture. Non? Je connais pas. Je suis pas un gars de char. Non, non plus. Donc, c'est ça le 15 février dernier. Le plus récent album Tigre et Diesel était disponible. Mm-hmm. 15 février. Le lendemain de la Saint-Valentin. Ouais, c'est l'action ça. De grâce, lui. L'action de grâce. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que sur leur site Galaxy, on peut écouter. En streaming. Oui. Quel terme anglophone. Oh, tellement, tellement. Je sais même pas comment. Il y a un nom pour ça, mais je m'en rappelle sûrement, pas. En tout cas. Donc, c'est ça. Si vous suivez là, Galaxy dans un moteur. Si vous tapez Galaxy dans un moteur de recherche, vous allez trouver ça. ce que je voulais dire aussi, c'est ça. Galaxy, samedi 7 mai, à l'affût à Saint-Tite. Ah oh, ouais? Ouais. Donc, quand ça, samedi le 7 mai? 7 mai. Donc, c'est dans un petit bout, là, mais notez ça dans votre iPhone. Tu sais, mais... Il y a des bons groupes qui passent à l'affût. Ouais, c'est vraiment cool, sérieux. Moi, je suis jamais allé voir un show là, mais... C'est pour qu'ils se déplacent jusqu'à Saint-Tite, c'est ça. C'est quand même à 45 minutes de la 40. Mm-hmm. Donc, je voulais faire jouer la pièce de Piste 1, qui doit être dans le palmarès. Elle est déjà dans le palmarès. C'est ça. Ouais. Donc, on va faire un petit changement. On va écouter Camouflard, parce que c'est un titre drôle, parce que ça camoufle, mais en même temps, c'est un foulard. Oui. C'est un foulard qui camoufle. T'as bien dit ça. C'est dans le bloc Télécharge quoi de Maxime Lemulara. C'était Galaxy, Feu Galaxy 500, avec la pièce Camouflore de leur plus récent album Tigre et Diesel. Ouais, je me posais la question du groupe Gatineau qui avait comme un deuxième nom pour faire des spectacles à l'improviste. Pseudonyme. Et puis c'était bien Camouflore aussi. Ouais, on n'a même pas vérifié, mais non, je pense que c'était Camouflore. Ouais. Bon mot. Ouais. Alors, je voulais parler, finalement, là, pour conclure cette chronique-là, je voulais parler de The Strokes qui sortent leur quatrième album Angles dans 26 jours. Dans 26 jours, ouais, c'est si précis. 14h. Le 22 mars, pardon, excusez-moi. Parce que là, j'avais la tête ailleurs. Je voulais vous dire que The Strokes allait à Coachella mi-avril. Mm-hmm. Coachella? Coachella, c'est un festival en Californie. Avec des bons groupes de c'est ça. Puis je veux juste nommer quelques groupes pour vous montrer à quel point ça, le line-up a aucun bon sens. On va voir Black Keys, Interpol, Chemical Brothers, Crystal Castles, Cold War Kids. Qu'est-ce que je voulais dire aussi tantôt? Ça, c'est trois jours. C'est réparti sur trois jours. Là, Arcade Fire, Animal Collective, Broken Social Scene, Ratatat, Chromeo. Inacceptable, c'est juste trop bon. C'est fou. Mais qu'est-ce qui est le fun de regarder, c'est que habituellement, ces artistes-là font la tournée des festivals. Des festivals. Festivals, faut le dire comme il faut, là, quand même. La tournée des festivals estivaux. Oui, c'est ça. Alors, on risque probablement d'en voir quelques-uns à Oceaga au début du mois d'août. Ou sinon le Festival d'été de Québec. Des fois aussi, c'est vrai. Ben, l'année passée, il y avait des gros artistes là, au Festival d'été de Québec. Des commerciaux, là. Ouais. Disons. Mainstream, pas mal. Mainstream. On aime ça, mais il y a toujours un petit volet aussi un peu plus underground. Alternatif. Là, qui se passe au Cercle. Puis, rock aussi, vraiment très rock. Rush était là l'année passée. Mm-hmm. Tu vois. Donc, on va l'écouter, c'est ça, un extrait du prochain album. Angles, l'extrait s'appelle Undercover of Darkness. Puis vous pouvez aller le télécharger gratuitement sur thestrokes.com. Il est disponible? La pièce. Ouais, juste la pièce, okay. Pardon. Thestrokes.com / download. On écoute ça dans le blog Télécharge quoi de Maxime Lemieux-Laramie. c'était The Strokes avec leur premier extrait de leur futur album Angles. La pièce s'intitulait Undercover of Darkness. Alors, le 22 mars, prochain album de The Strokes. C'était super, ça. Très, très bon. Yes. Oui, oui. Ça sonne The Strokes. Ouais. On aime J'ai The Strokes. J'ai bien hâte. J'ai bien hâte. Donc, je vous laisse là-dessus, messieurs. Ben, c'est pas cool. Merci, coach. On se revoit la semaine prochaine. Tu manques de moustache pour un coach, je trouve. Ouais, ben, peut-être pour les séries. Ah! Les joueurs. Ah, ah, peut-être pour les séries, les joueurs. Pour les séries, tu le ferais, mais pour Movember, non. Regarde, je suis pas les mouvements de masse. Ah, oh, parce que le hockey, c'est très, très pas de masse. Hein? C'est vraiment original et très alternatif, là. C'est vrai, t'as raison. Je retire mes paroles de ce film. J'avais dit bye, je pense. J'avais dit pas que sûr, je m'en allais, non? Pas sûr, oui. Ben, en tout cas, si tu t'en vas pas, on va te sacrer dehors. Fait que c'est comme tu veux. C'est bon. Hey, bien. Merci, Max. Bye, à la semaine prochaine, mercredi 8h, pour un Télécharge quoi. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Et maintenant, le segment de cuisse de Charles André. Salut Charles-André. Salut Danny Janvier, comment vas-tu? Bah, j'aime pas cette question aujourd'hui. Hein? J'aime pas cette question. On te la répète à répétition. Exact, puis j'aime pas ça mentir, fait que, en tout cas. Ben, je comprends. Tu fais bien d'être honnête, Danny, j'aurais pas dû te le demander. Toi, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Hein? Je vous parle de toutes sortes de magnifiques choses. C'est merveilleux. Hein? N'est-ce pas? Mais t'es toujours très intéressant, Charles. Ah, t'es gentil, Danny. Regarde, je vais être heureux pour deux. Ça fait-tu ça? J'aimerais bien ça. OK. Bon, ben, regarde, aujourd'hui, on sait que c'est mardi, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, nous sommes mardi. Hein? Ben. Magnifique. Il est présentement midi 24 pour faire comme à Radio-Canada. au bout du très prolongé, tiens. Et donc, aujourd'hui, comme à chaque mardi, je vous présente un film qui traite de la culture rock, on le sait. Oui. Et bon, je trouve que j'ai un petit peu négligé le domaine des rockumentary, des documentaires du rock. Hein? Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous en présenter un tout à fait pur et dur, et un d'ailleurs qui est très peu connu. Et j'espère que ça va vous mettre l'eau à la bouche. Il s'agit du documentaire Dream Deceivers, The Story Behind James Vance vs Judas Priest. Alors, un nom de 8 km de long, tout ça pour dire quoi? Que c'est l'histoire du procès qui a opposé James Vance contre Judas Priest dans les années 90. Et donc, on sait que c'était réalisé par David Van Taylor et que ça met en scène les membres du groupe de Judas Priest ainsi que, par opposition, James Vance et sa famille qui témoignent. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un procès contre Judas Priest? Durant l'été 1990, le groupe a été inquiété dans l'affaire du suicide de deux jeunes Américains de Reno. En fait, il faut savoir que l'événement était survenu en 1985. Et James Vance, 20 ans, et Raymond Belknap, 19 ans, sont les deux jeunes qui ont été impliqués dans cette histoire-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Raymond Belknap a demandé à James Vance d'appuyer sur la détente pour lui et ensuite James Vance devait à son tour se suicider. C'est ça qui est exposé dans le documentaire. Sauf que James Vance, bon, il s'est tiré dessus, mais à cause de l'inclinaison de l'angle ou de l'arme à feu, ou je sais pas trop, il s'est manqué, il a été défiguré, mais il a survécu à l'incident. Bravo. Ah, c'est une histoire extraordinaire, je te dis. Et le 23 décembre... On a de la misère avec nos bruits de bouche aujourd'hui. Excusez-moi, je suis désolé. Donc, le 23 décembre, Vance et Belknap sont allés dans la cour d'une église de Reno. Belknap s'est tiré un coup de feu sur le menton, mais on sait que c'est James Vance qui a appuyé sur la détente. Mais bon, peu importe, on l'a pas... je veux dire, c'est un suicide collectif. Dans ce cas-là, il y a, j'imagine, au niveau de la loi, certaines dispositions particulières. Et est mort sur le coup. Vance a fit de même, dis-je, mais a survécu au coup de feu avec un visage mutilé. Il est mort 3 ans plus tard, visiblement à cause des trop fortes doses d'analgésiques. analgésique, pardon, qu'il prenait. Les parents des deux garçons ont donc accusé le groupe d'avoir inséré des messages subliminaux inversés, des paroles en écoutant les chansons à l'envers, autrement dit, dans le morceau Better By You, Better Than Me, figurant sur l'album Stained Glass. Pour ceux qui seraient intéressés à écouter la pièce, je ne l'ai pas amenée ici avec moi au studio, mais je l'ai postée sur la page Facebook du Dîner de con. Vous avez juste à cliquer dessus pour l'écouter. Et donc, il prétendait que l'on pouvait y entendre les mots « do it », en fait une reprise de « Spooky Tooth », pardon, qui leur ont commandé de se suicider. Le groupe a déclaré que si quelqu'un voulait passer une chanson à l'envers et dire qu'il y avait un message, on serait convaincu qu'il y en a un. Un des témoins de la défense, le docteur Timothy Ermore, a écrit un article, pardon, sur le procès dans le Skeptical Inquirer, qui se trouve être un journal ou une revue scientifique, genre, de droit, en fait, okay, pour être exact. Et le procès fit l'objet d'un documentaire, c'est le présent documentaire que je vous présente aujourd'hui, paru en 1991. Alford y dit que s'il avait voulu dire à leurs fans de se suicider, cela aurait été contre-productif, en effet, et ils auraient préféré insérer l'ordre « acheter plus de nos disques ». Alford a également soulevé un problème d'importance. On entend « do it » dans la chanson, mais ce n'est pas un message. Alford dit « oui, fais-le, mais fais quoi? Tondre la pelouse, boire un coup, regarder la télévision, faire quoi? » En anglais, pour citer, il disait « well, do what? Mow the lawn, have a drink, watch some television. » J'avais aussi entendu « drink a cup of tea ». Autrement dit, il prétendait que le message subliminal, c'était « do it » dans le sens de « suicide-toi », mais premièrement, eux autres affirment n'avoir pas mis le message « do it » et de toute façon « do it, fais quoi? » Je pense que c'est surtout, en fait, deux jeunes qui étaient en mal de vivre. Et puis, les parents, trop catholiques, ils pensent que le suicide amène automatiquement les gens en enfer ou quelque chose comme ça. Et incapables d'assumer... Puis, incapables d'assumer que leur enfant peut être tanné, tu sais, que eux autres, ils vont mettre le diable là-dedans. Là. Exactement. Incapables d'assumer le fait que l'enfant puisse souffrir d'un mal de vivre et incapables d'assumer leur propre responsabilité en tant que parents dans cette histoire-là. Ils ont déchargé la totalité de la responsabilité sur Judas Priest, qui, de surcroît, ont été accusés d'être des émissaires infernaux à cause de ça. Et donc, pour moi, en fait, c'est même le propos un peu du réalisateur qui parle au début du documentaire. Le fait est que c'est vraiment une histoire sur des gens qui se déresponsabilisent de certaines choses, de certaines actions. Et c'est d'une grande tragédie, je crois. Et le documentaire est assez bien conçu. Le réalisateur a bien travaillé sur imdb.com. On lui a donné la note de 7.5 sur 10, donc ce qui est pas mal. Je comprends où est-ce que le documentaire a perdu des points dans la mesure où est-ce que c'est pas 100% complet. Et bon, étant donné que ça commence à dater un peu, des fois la qualité de l'image ou la qualité du son peut être un peu discutable, mais c'est tout ce qu'il y a de plus écoutable, je vous rassure. Et vous êtes amateur de culture rock et que vous êtes intrigué par l'histoire de la musique rock, c'est indispensable de visionner ce documentaire-là pour comprendre vraiment le débat qui avait lieu dans les années 70 par rapport à la liberté d'expression versus la responsabilité de l'artiste et le message de ses chansons. Donc, il y avait véritablement un gros débat autour de ça. Et je dirais que ce documentaire-là et ces événements-là dont le documentaire traite sont véritablement symptomatiques de ce débat-là qui se tenait qui avait lieu dans les années 70. Et donc, Judas Priest, pour ceux qui connaissent pas ce groupe-là, il faut savoir que un documentaire qui est exclusivement consacré à une histoire dans laquelle a été impliqué Judas Priest. Oui, c'est un documentaire qui est important dans la culture rock, dans la mesure où Judas Priest est un groupe indispensable à la musique rock. C'est un groupe de heavy metal traditionnel britannique fondé en 1970 par le guitariste K.K. Downing et le bassiste Ian Hill. Le nom du groupe provient de la chanson de ballade Frankie Lee and Judas Priest de Bob Dylan. Donc, ils ont souvent été taxé de satanisme à cause du choix de ce nom-là, et c'était simplement une influence de Bob Dylan. En fait, le documentaire que je vous présentais aujourd'hui s'appelle Dream Deceivers, exactement. Et il y a une chanson de Judas Priest qui s'appelle Dreamer Deceiver. Donc, à ne pas confondre les deux éléments. Et la pièce Dreamer Deceiver qui se trouve à être la 11e pièce de cet album double que j'ai ici, qui regroupe le premier album et le second album du groupe. Je me suis dit qu'on pourrait écouter cet extrait-là, étant donné que c'est tout à fait dans la thématique du documentaire dont je parlais aujourd'hui. Alors, Danny, si tu peux nous envoyer la 11e pièce, ce n'est pas la 11e pièce de l'album, étant donné que j'ai acheté un espèce de album double. Format album double. Mais sur ça, c'est la 11e. Il s'agit de Dreamer Deceiver, tiré de l'album Sad Wing of Destiny. On s'en reparle tout de suite après. Oui, mais avant, je voulais te dire, étant donné qu'on est dans ta chronique du rock aussi alphabétique, parce que ça s'en vient, là, oui. Mais ça serait le J, me semble. Tant qu'à avoir deux fois le I. Non? Non, parce que sinon, je vais manquer de matériel au bout de ma chronique. Et aujourd'hui, je vous ai préparé quelque chose de très intéressant pour compléter la lettre I, mais on s'en reparlera tout de suite après. By my window, breathing summer breeze, saw a figure floating beneath the willow trees, asked us if we were happy. We said we didn't know. Took us by the hands and up we go. Control our sense. la formation Judas Priest, avec un extrait de leur album Sad Wing of Destiny. Il s'agissait de la pièce Dreamer Deceivers, à ne pas confondre avec Dream Deceivers, le documentaire que je viens de vous présenter aujourd'hui. Un documentaire, ma foi, tout ce qu'il y a de plus intéressant. Sinon, il faut savoir que l'album Sad Wing of Destiny, c'est le second album de Judas Priest. Moi, j'ai eu la chance de l'acheter en format double avec leur premier album qui était aussi inclus sur le disque, qui était paru en 1974. Il s'agit de Rock-A-Rolla, que j'ai eu aussi énormément de bonheur à découvrir. Et tout ça, j'ai acheté tout ça usagé pour 7$ au Colimaçon, au centre-ville. Merveilleux. J'ai fait une affaire merveilleuse. Et sinon, on pourrait peut-être poursuivre avec la chronique du rock alphabétique. Oui. On va poursuivre avec la formation Iron Maiden, étant donné son importance dans l'histoire de la musique rock. Je présume qu'on pourrait aller écouter la pièce pour commencer. On s'en reparle tout de suite après. J'espère que vous allez apprécier. Miles. The car is an old. Man on the Edge de la formation Iron Maiden. Une excellente pièce interprétée par le chanteur Blaze Bayley à l'époque où Bruce Dickinson était parti du groupe. En fait, j'ai amené cette pièce-là aujourd'hui spécifiquement pour démystifier la succession des chanteurs au sein de la formation britannique Iron Maiden. Formé en 1975, le premier chanteur à avoir rejoint la formation s'appelait Paul Di'Anno. Il avait un style tout à fait classic rock, mais il fut écarté du projet en 1981, au mois de septembre. Il est renvoyé du groupe pour cause d'abus de drogue et de son rejet de tout projet de longue tournée. Il sera remplacé par l'excellent Bruce Dickinson, qui est le véritable chanteur d'Iron Maiden, dans l'esprit de la plupart des fans. Et donc, ensuite, arrive... en fait, dans les années 94-95, le départ de Bruce Dickinson pour une carrière solo que certains qualifieront de très réussie et d'autres de pas du tout. Les opinions officielles par rapport à la carrière solo de Bruce Dickinson sont extrêmement partagées. Certains considèrent ça comme une cuisante défaite et d'autres totalement l'inverse. Tout ça pour dire que Iron Maiden passa des centaines d'auditions pour remplacer leur chanteur chouchou Bruce Dickinson et il présente en 1995 le chanteur Blaze Bayley qu'on vient d'entendre. Et c'est pour ça que je tenais à vous faire entendre un extrait, étant donné que c'était un, comment je pourrais dire ça, celui qui a dû chausser les grands souliers de Bruce Dickinson au moment où est-ce que celui-là est parti. Mais finalement, ensuite, en 99, le groupe annonce dans un communiqué officiel le remplacement de Blaze Bayley par Bruce Dickinson, qui est depuis toujours en poste. Et j'ai pu le voir en spectacle l'été passé. Il était assez en forme, mais j'étais un peu déçu du spectacle. Ils ont pas joué suffisamment de classiques à mon goût. Run to the Hills, une omission d'ailleurs impardonnable. Et il a passé un petit peu trop de temps à faire la promotion de son album The Final Frontier, son plus récent album. C'est pas grave, mais je veux dire, je me serais attendu, je veux dire, d'un groupe qui est habituellement aussi respectueux que possible de ses fans, à un petit peu plus de classique, un petit peu plus de générosité dans le choix des chansons. Sinon, il faut quand même noter que Bruce Dickinson s'est exprimé dans un français impeccable du début à la fin du spectacle. C'est bien pour un Britannique quand même. Et ça complète, inquiétez-vous pas, demain, ça sera pas Iron Maiden encore. Ça complète la lettre I. Je sais qu'on n'a pas écouté Darren Butterfly, on pourra peut-être n'amener simplement pour le plaisir, sauf qu'il faut poursuivre l'alphabet si on veut y arriver. Mais Iron Butterfly aurait dû jouer avant. Exactement, c'est pour ça que j'ai pas pu en faire jouer aujourd'hui, j'y ai pensé trop tard. Mais de toute façon, il y a des groupes comme ça que je voulais faire, sur lesquels je voulais clarifier certaines choses et ça explique ma démarche. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Aide-moi donc, s'il te plaît, à partir le dactylo. Vas-y, vas-y. Aide-moi. Non, mais ça, c'est un mouvement de main que les gens ne voient pas à la maison. Hein? Un bruit. Ring! Wow! C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. En compagnie de moi-même, Mathieu Plante et François-Olivier Marchand à la réaction instantanée. À la réaction instantanée. T'es comme le rim shot à la fin. Boum! Tu sais? Yes, sir. Oui, t'es le running gag et la punchline. Commençons avec trois pays seulement qui ont participé à chaque Olympique d'été des temps modernes. Seulement trois pays ont participé à toutes les Olympiques d'été. Ces trois pays sont la Grèce, d'où viennent les Jeux, évidemment, la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, et l'Australie. La première version moderne des Olympiques date de 1896 à Athènes. Il y a eu 25 Jeux d'été depuis. À chaque 4 ans, évidemment, sauf pendant la Deuxième Guerre et la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni est le seul pays qui a gagné au moins une médaille d'or à chaque Olympique d'été. La France et la Suisse disent aussi avoir participé à chaque Jeu d'été. Par contre, la Suisse a boycotté les Jeux de 1956 pour faire protestation, si on veut, à l'invasion soviétique en Hongrie. Même s'ils ont participé à quelques événements équestres à Stockholm, quand même, on peut pas dire qu'ils ont participé parce qu'ils bannissaient l'événement. Ça se dit, ça bannissait. Mais ça me surprend pour l'Australie. Ah oui? Oui, vraiment. Mm-hmm. Je pensais pas parce que c'est loin. C'est vraiment très loin de la Grèce. Et oui. Et puis on dit aussi que la médaille méritée par le marathonien. Comment on dit ces mots-là? J'ai de la misère à les dire. Le gars qui faisait des marathons. Marathonien. Marathonien. Français Albert Corré en 1904 n'est pas officiellement attribué à la France selon le Comité olympique international. Donc ça ne compte pas. Parlons maintenant de l'homme qui a la plus grande famille du monde. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de cet homme-là qui a 39 femmes, 94 enfants et 33 petits-enfants. Wow. La famille, ces gens-là vivent tous ensemble dans la même maison, une maison à 100 pièces en Inde où les femmes dorment toutes ensemble dans un genre de dortoir gigantesque. Pendant une journée, bon, ça peut prendre 30 poulets. Sacre. 30 poulets, 132 livres de patates. Prenez une patate. Et 220 livres de riz pour nourrir cette famille de 181 membres. La chef de la maison, si on veut, Ziona Shana, fait partie d'une secte... le chef de la maison. Ziona Shana fait partie d'une secte religieuse qui permet à ses membres d'avoir autant de femmes qu'ils le désirent. Et il est toujours à la recherche de d'autres femmes. À un certain point, il a même marié 10 femmes en dedans d'un an. 10 femmes en dedans d'un an. En dedans d'un an, c'est... Ça va bien? C'est une par mois sauf l'été. C'est comme les magazines. Ça sort pas l'été. Il y en a juste un gros numéro. Shana dort dans un lit double et fait une rotation, comme des pneus, là, avec ses femmes pour pouvoir partager le lit avec lui. Quelle chance de pouvoir partager ton lit avec ton mari. C'est génial. Ce qui est typique dans son aventure, là, c'est que les femmes les plus jeunes dorment plus près de sa chambre, alors que les plus vieilles dorment plus loin de sa chambre. Tu sais, mettons, il y a comme le dortoir, là, puis le dortoir est à côté de la chambre du gars. Les jeunes sont plus proches de lui, c'est super. Fais voir des photos de cette famille-là sur l'article que j'ai posté sur assemblagerequis.com. Les sectes, hein? Yeah. Tu sais, je peux comprendre là, l'envie de quelqu'un d'être avec plusieurs femmes, mais là, à un moment donné, c'est comme... Hein? Tu sais, on se calme, là. Ben, il y a des limites, là. C'est ça. Il y a des limites. Enfin, le cerveau d'Albert Einstein a été volé après sa mort. Savais-tu ça, François-Olivier Marchand? Non. Non, mais c'est quand même vrai. L'homme qui a performé l'autopsie sur le corps de Einstein juste après sa mort, qui était un pathologiste de Princeton University, qui s'appelait le gars Thomas Harvey. Harvey a enlevé le cerveau pour l'examiner comme le veut une autopsie, c'est ce qu'on fait d'habitude, mais l'a jamais replacé à la fin. Même si son emploi était en jeu et certainement sa réputation aussi, Harvey l'a placé dans un pot de formol et l'a ramené à la maison. Pendant les 40 années qui ont suivi, il a envoyé des morceaux du cerveau à des neuroscientifiques, mettons, je veux dire comme ça, des neuroscientifiques, pour qu'ils puissent l'étudier. Il croyait que voler le cerveau était sa mission scientifique, si on veut. Ce qui reste du cerveau est maintenant à Princeton, où ça a commencé. Harvey a essayé de le renvoyer à la famille de Einstein, en fait à la fille de Einstein à un certain moment, mais elle n'en voulait pas, donc il l'a redonné à l'université. Wow. Sais-tu que 60 000 sacs de plastique sont utilisés aux États-Unis à chaque 5 secondes? 60 000? Oui, 60 000 par 5 secondes. C'est beaucoup. Je ne sais pas si aux États-Unis, ils ont des frais comme nous autres. Ah, bonne question. J'en ai aucune idée. C'est très intéressant d'ailleurs comme question. À chaque année, 500 milliards et 1 trillion de sacs de plastique sont utilisés à chaque minute dans le monde. C'est plus qu'un million de sacs par minute. La production des sacs de plastique crée assez de déchets solides par année pour remplir l'Empire State Building 2,5 fois. Aussi, le pétrole utilisé pour créer 14 sacs de plastique pourrait être utilisé pour une voiture qui pourrait conduire pendant 1 000. 14, François. En fait, le nombre de sacs consommés par année coûte 12 millions de barils d'huile. On parle d'environ 500 millions de dollars à produire. C'est énorme. Incroyable. Les sacs de plastique prennent entre 400 et 1000 ans à se décomposer, François. Entre 400 et 1000 ans. 1000 ans. Incroyable. Donc, ça donne des morceaux de plastique qui sont un petit peu propagés à travers les océans et ailleurs. Environ 100 000 animaux marins meurent à cause des sacs qui ont été mal jetés, si on veut, dont on a mal disposé. Certaines parties de l'océan ont un ratio de 6 livres de plastique par livre de plancton. Et il y a plein d'autres faits sur l'environnement et sur les sacs de plastique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Sur un article que j'ai posté sur assemblagerequis.com, je peux pas croire que ça prend 400 et 1000 ans. C'est juste ridicule. Dans ce temps-là, ça veut dire arrête d'utiliser des sacs de plastique. Oui, exactement. Hein, mais j'en ai besoin pour ci puis pour ça. Ben non, gars, t'en as pas besoin. Mais ici, ça va quand même bien. Par exemple, les gens quand même amènent leur sac. Je sais pas si t'as remarqué à l'épicerie, là, mais tu vois les gens qui amènent leur sac et c'est rendu une habitude et ça n'a pas été long non plus. Non, c'est ça. Ben, il fallait convaincre les gens d'une façon ou d'une autre puis de leur charger pour les sacs. C'est une façon comme une autre. Moi, je suis pas contre ça, même que je suis pour de monter le prix que ça coûte, les sacs de plastique. Si tu veux vraiment l'utiliser, fine. Paye 25 cents. Genre, en tout cas, bref. On pourrait doubler. Facilement. Une scène, ça serait bien parfait. Une scène, parce que des fois, je t'avoue que des fois, j'en achète, que ce soit pour ma poubelle ou. Aussi, c'est ça, pour la litière du chat, à un moment donné, ça peut être utile. Tu sais, tu peux pas juste acheter ça dans le container. Là, non, hein? C'est ça. Je comprends ça, mais il y a toujours d'autres façons de faire. Bref, allez lire l'article pour plein de conseils. Les saisons qui changent, François, tu sais que les saisons changent environ approximativement depuis quelque temps, 4 fois par année. Genre. Oui, et j'ai très hâte que celle-ci change. C'est vers laquelle qu'on s'en va déjà? Printemps! Ah! Printemps, ça fait du bien, c'est bon pour le moment. Tellement, comme les oiseaux. Le changement des saisons peut causer évidemment des dépressions cliniques. Tu savais, les gens deviennent déprimés des fois à cause des changements de saison. Ça s'appelle, ça a un nom, ça. C'est le Seasonal Affective Disorder ou le SAD, comme dans le triste. C'est un drôle de mot quand même. C'est des épisodes de dépression qui arrivent typiquement à chaque début d'automne ou d'hiver, dépendant des gens. Il y a des gens qui sont au début de l'automne. Pourtant, l'automne, je trouve que c'est une très belle saison. Mais en même temps, il y a des gens qui trouvent que l'hiver, c'est une très belle saison. Qui suis-je pour juger ça? Ceux qui en suivent, qui en souffrent, pardon, se sentent léthargiques et ont des changements d'humeur, donc des sautes d'humeur. Le traitement pour ce désordre, ça inclut donc la thérapie par la lumière, la psychothérapie et les médicaments, bien évidemment. La thérapie par lumière fonctionne souvent parce que le SAD serait apparemment connecté directement au fait qu'on reçoit moins de lumière du soleil pendant les mois d'hiver. Ça a du sens, hein? Ah oui. Ça a bien du sens. Un chien sourd a été adopté par des enfants sourds après avoir appris le langage des signes. Le chien qui est un Dachshund, tu sais, le chien, la sorte de chien Dachshund. Ouais, je sais pas c'est quoi, là, mais... Ouais, c'est ça. D-A-C-H-S-H-U-N-D. Même en l'éplant, c'est difficile à retenir. Bref, ce chien-là était sourd. Il s'appelait Sparky. En fait, il s'appelle encore comme ça. A été, élevé par des criminels au South Central Correctional Center à Licking, au Missouri. Et oui, ironiquement, Licking, comme dans Lichette, Missouri. Lichette, Missouri. Donc, ça faisait partie de leur programme Puppies for Parole. Un programme qui demande aux criminels d'éduquer donc des animaux qui ont des problèmes et ce qui rendrait difficile l'adoption de ces animaux-là, des animaux qui ont peut-être des problèmes de comportement. Bref, Puppies for Parole est une très bonne idée parce que ça donne aux criminels une activité constructive à faire et ça empêche les animaux de se faire tuer. Donc, ça empêche l'euthanasie de ces animaux-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire contre ça? Après que Sparky a été éduqué, en fait, pour répondre à plusieurs signes de main, les prisonniers ont demandé à la Missouri School for the Deaf de l'accepter dans leur école. Donc, c'est une école pour les sourds, évidemment. Donc, le chien est rendu ami avec les enfants et connaît des signaux, dans le fond, des signes de main pour s'asseoir, pour se coucher, pour arrêter. Et il travaille aussi sur d'autres mots comme nourriture et aller dehors. Oh. C'est vraiment très bien. Ouais. J'adore ça. Allons-y avec le prochain petit fait rapide ici. Savais-tu qu'un double Whopper de chez Burger King, dans le menu valeur, ça contient 1820 calories? juste 1820 calories. Et puis, la part quotidienne pour une personne normale, est-ce que tu sais c'est quoi? Non, je sais pas ce que c'est, non. Ça doit pas être énorme. C'est pas 1820, pas mal sûr que ça. Dwayne The Rock Johnson, que tu connais peut-être pour le film La Fée des Dents récemment. L'ancien lutteur. Là, oui, The Rock. Can you smell what The Rock is cooking? Dwayne The Rock Johnson, ben oui. Était le deuxième choix de Tim Burton pour le rôle de Willy Wonka dans Charlie and the Chocolate Factory. Oh. Ça aurait pu être Dwayne Johnson The Rock. Ça me semble qu'il aurait été bâti. Ça a arrêté quelque chose, hein? Eddie Murphy a été le premier acteur à mériter $1 million pour son premier film. Ça faisait partie d'un contrat exclusif avec Paramount Pictures où Murphy avait signé pour faire 5 films et un, ce qu'il appelle un Major Concert Movie, donc un film de concert majeur. J'ai aucune idée ce qui s'est passé avec ça, si ça a eu lieu ou pas. En retour, Murphy a été payé $1 million dès le début et méritait aussi 10% des revenus total du film. Un autre fait intéressant là-dedans, c'est que Murphy avait seulement 21 ans. Donc, c'était le premier acteur à mériter $1 million pour son tout premier film de sa carrière. Ça commence bien, ça? T'es bien parti dans la vie, mettons. Pas mal. OK, dépêchons-nous. Une étudiante, d'une école secondaire a copié le premier chapitre de Harry Potter and the Sorcerer's Stone, ou chose Harry Potter, chose de philosophe de patente, sur un mur d'une toilette à son école. Caitlin Gallagher, 17 ans, a posté une photo du produit fini sur sa page Tumblr. Vous pouvez aller voir le lien sur assemblagerequis.com. Ça lui a pris 4 heures et 3 crayons Sharpie pour écrire le premier chapitre du roman sur les toilettes, là, sur les murs des toilettes. Après que l'école soit terminée, elle a été terminée pendant 4 jours. Donc, elle allait dans la toilette, elle écrivait autant qu'elle pouvait pendant une heure de suite. À chaque fois qu'elle terminait la journée, elle barrait la porte, elle glissait en dessous de la porte, mettait une pancarte pour dire que la toilette fonctionnait plus, jusqu'à temps que le projet soit terminé. Et puis quand le projet s'est terminé, ah là là là! Petite lumière qui est sortie du plafond, puis Harry Potter écrit dans les toilettes, c'est merveilleux. Merveilleux. On va terminer avec celui-là. Tiens, malgré ce que les compagnies vous disent, et là, je lis l'article, ça dit, selon ce que les compagnies disent, ben, c'est illégal de faire du jailbreak sur votre téléphone, sur votre iPhone, iPod, n'importe quel autre appareil portable. Mais en fait, c'est légal. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, mon jailbreaking, c'est quand un appareil est reprogrammé pour pouvoir permettre d'autres codes que ce que les compagnies veulent. Donc, on peut essayer des applications qui viennent de d'autres places que le iTunes Store, par exemple, sur iPhone. Et ce, gratuitement? Exactement, exactement. Donc, selon la loi, la Federal Copyright Law, faire du jailbreak ou jailbreaking, son appareil est complètement à l'intérieur de la loi en tant que la personne n'utilise pas ces modifications-là pour faire d'autres activités qui, elles, enfreindraient des lois de copyright. Donc, j'imagine que si on allait se chercher un logiciel qui aurait été payant dans le iTunes Store sur un appareil jailbreaké gratuitement, là, ce serait pas légal. Mais le jailbreaké et aller chercher des applications qui n'ont pas été approuvées par Apple, des trucs comme ça, ce serait légal. Ça, c'est légal. Car l'appareil t'appartient. Exactement, exactement ça. Le risque principal que les jailbreakers ont, par contre, en utilisant ça, dans le fond, en faisant ce processus-là, c'est que leur appareil pourrait devenir incompatible avec les futures mises à jour de logiciels fournis par exemple, Apple pour ces appareils. Moi, c'est ça que j'aurais peur. Ouais, moi aussi, c'est un peu ça. J'ai peur de genre mal faire la procédure et puis faire de mon appareil une brique. On me dit que c'est pas très, très probable, par exemple. Non? Mais je sais pas, j'ai comme peur pareil. Là. Mais une fois que tu le fais, tu peux pas revenir. Hein? Non, c'est ça. C'est ça. Ah. En fait, j'imagine que tu peux revenir. Je suis vraiment pas un connaisseur de ça, je me suis pas assez informé. Je dirais que ça me fait tellement peur que je m'informe pas. Parce que, en même temps, si ça me dit que c'est tellement facile, là, je vais le faire, puis là, j'aurais peur que même en me disant que c'est tellement facile, que je le brise. Je suis vraiment pissou, hein. Absolument. Enfin, c'est tout pour cet effet aujourd'hui. Une autre chronique lundi, pourquoi pas. Yes, sir. Oh oui, monsieur, madame. Merci, Mathieu Plante. Monsieur, madame, tout le monde. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cestfou.ca.